Auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Nous sommes le lundi 18 mars 2024 déjà, et oui. Alors, le calendrier, l'émission de ce soir, calendrier des esclavages et des libérations. Alors, au programme de ce soir, on attendra Fernand Reynaud, Ne me parle pas de Grenoble. Et puis, la musique, Annie Cordy, La bonne du curé. Hein, vous voyez, il y a des choses rigolotes quand même. Viktorovitch, droit de grève, devoir travailler. Oula, qu'est-ce qu'il va nous raconter, Clément Viktorovitch, hein? Jean-Luc Mélenchon, économie de guerre, de quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on? Mathilde Panot, de la France insoumise, congrès de Versailles, la France fait son entrée dans le siècle des droits des femmes. Notre terre mourra proprement, comité central des centrales, hein. Jean-Luc Mélenchon, comprendre les enjeux de la situation, Ukraine-Russie, hein. Une petite revue de presse, et puis quelques chansons, hein, voilà, un peu de musique, et ce sera tout pour ce soir. Ne me parle pas de Grenoble. Patche la pu, ne me parle pas de Grenoble, hein. Que des sportifs, que des prétentieux. C'était peut-être 5 heures du matin. J'avais flambé au poker toute la nuit. Et j'attendais Zézette. Zézette, elle est gentille, tu vois. Ça fait 15 ans qu'elle travaille pour moi. Mais elle n'a pas la beauté de la première danseuse de l'opéra, tu vois. Comme je lui dis, t'as intérêt à travailler la nuit. J'attendais Zézette sur la Côte d'Azur, hein, et je vois sur la table à 5 heures du matin le journal ouvert à petites annonces. Et je vois écrit en gros, Grenoble cherche taulier. Jean m'a dit, j'ai déjà tenu un bar pendant 6 mois, pourquoi j'irais pas faire le taulier à Grenoble? Ça me ferait changer d'air. Parce que les poulets sur la côte, c'est pas eux qui me cherchent, c'est moi qui les surveille. Je prends ma Viva Sport 37 améliorée 39 et me voilà parti à Grenoble. Fatche d'appui, ne me parle pas de Grenoble. Ma carrelle, va. Que des prétentieux, tu vois. Ils parlent pointu. Des sportifs, tu vois, toujours après vous, j'en ferai rien, madame. Qu'est-ce que c'est? Ok, va, ça va tanker, à Grenoble. Il y a une femme, elle parle à son petit garçon. Tu vois, dans la vie, il faut avoir du respect humain. Quand on te présente une femme, il faut dire « Mes hommages, madame !» Faccia de que putain, ne me parle pas des... Non, mais tu me vois quand je suis au Baumette, moi, ou à Fresnes, derrière les barreaux, quand Zézette, elle m'apporte des oranges, que je lui dise « Zézette, je te présente mes hommages !» Faccia de me parle pas de moi, que des prétentieux, tu vois. Ils sont tellement polis, on dirait des Suisses. Pas des Français. Des Belges ou des Suisses. Tu sais, quand t'es au métro Montmartre, là, dans le métro, partout, même sur la Côte d'Azur, à Marseille, Courbelzins, t'as une fille de 16-17 ans, tu lui passes la main sur la croupe, elle rougit, elle baisse les yeux, elle dit rien à personne, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Elle rentre chez elle, elle dit rien à ses parents. Tu fais ça à Grenoble? Faccia de putain, ne m'en parle pas de Grenoble. J'ai fait ça à une fille, elle s'est retournée, une sportive, elle m'a pris le petit doigt, elle m'a fait du jiu-jitsu, elle m'a allongé sur le trottoir. Oui. Moi, sur le trottoir. Ne me parle pas de Grenoble, que des prétentieux, ah, des sportifs. Quand j'étais à l'adresse indiquée, là où je cherchais le taulier, ça m'a pas tellement plu, tu vois. Il n'y a pas de bar, pas de vitrine. J'ai dit, peut-être que c'est un clandestin. Je sonne. Il y a un jobard qui arrive. Il me dit, qu'est-ce que c'est? Quoi, qu'est-ce que c'est? C'est pour une petite annonce. Vous cherchez un taulier? Il me dit, oui, entrez, je rentre. Il me dit, vous avez fait longtemps de l'atoll? J'ai fait mes 2-3 ans, comme tout le monde. Parce que tu sais ce que c'est, après quand t'es au bar, tu parles avec les amis, les filles sont dans la salle, si t'as pas fait de toll, tu te sens diminué. Vous frappez fort? Je frappe fort. Je frappe comme à tout le monde. Mais je préfère quand on est plusieurs. Il m'a fait descendre des escaliers, je suis arrivé dans une sorte d'atelier, des pinces qui me regardaient, moi, avec des yeux qui me voulaient du mal, que moi, jamais j'ai touché des pinces. Des courroies qui s'entrelaçaient, des enclumes, des marteaux qui voulaient me frapper, moi, que jamais je les ai touchés. J'ai été déshonoré, lui. Ma parole d'honneur. Tu le crois, lui, tu ne me crois pas, moi. J'ai été déshonoré, lui. Il m'avait pris pour un ouvrier. Et c'est cette nuit-là, quand je suis retourné sur la Côte d'Azur, à Marseille, que sur l'autoroute, ma Viva Sport 37 améliorée 39 a dépassé le 210 à l'heure. Ne me parle pas de Grenoble. S'est-il passé le 18 mars? Alors, on ne sait pas tout, hein. Voilà, une partie, un résumé de ce qui s'est passé ce jour-là, 18 mars. Par exemple, 18 mars 1846. 1846, en Espagne, une grève générale de protestation contre le livret de travail commence à Sabadell. 1848, en Allemagne, suite à la crise économique, au bouillonnement des idées politiques et sociales, la révolution s'amplifie à Berlin. Des barricades sont dressées devant l'hôtel de ville. 1848, Italie, insurrection à Milan, après les cinq glorieuses, entre guillemets, cinq glorieuses, où les ouvriers tiennent la première place. Le commandant autrichien doit quitter la ville. 1871, France, à 3h30 du matin, sur la butte Montmartre, sur l'ordre de Thiers, les troupes de Vinoy essayent de reprendre les canons aux Parisiens. À 8h, faute d'attelage Aucune pièce n'a bougé. Les ménagères ont déjà donné l'alerte. La foule se rassemble et entoure les soldats. Le général Lecomte donne l'ordre de tirer. Mais la troupe fraternise avec le peuple de Paris. La troupe fraternise avec le peuple de Paris. Les généraux Lecomte et Thomas, entre guillemets sabreurs et de prolétaires, bourreaux de 1848, sont fusillés. À 11h, les troupes gouvernementales vaincues refluent sur Versailles. La voie est ouverte pour la Commune de Paris, avec un C majuscule à Commune de Paris. 1890, France. À Revin, un jeune ouvrier chantant des airs antipatronaux pour célébrer l'anniversaire de la Commune est licencié sur le champ. 1915, Mexique. La Casa del Obrero Mundial, maison de l'ouvrier du monde, organise un meeting en hommage à la Commune de Paris. 1919, Inde. Le roi Rowlatt accorde aux autorités britanniques le droit d'interdire de circuler, d'emprisonner sans jugement les suspects, ceci partout où l'ordre est jugé compromis. Les Indiens s'organisent pour lutter contre cette loi. 1921, Russie. La révolte de Kronstadt est écrasée. Les combats s'arrêtent. Cette insurrection qui n'avait pas comme but d'enrayer le processus révolutionnaire, mais de la radicaliser, pose le problème de l'équilibre à trouver entre la spontanéité révolutionnaire et la nécessité de l'organisation. 1922, Inde. Suite à la première campagne de désobéissance civique, Gandhi est condamné à 6 ans de prison. 1948, Sénégal. Les conditions des grévistes du chemin de fer Bamako-Thiès sont acceptées. La grève s'arrête. Le train prendra le départ le lendemain. 1962, France-Algérie. Signature des accords d'Évian. L'Algérie deviendra indépendante après un référendum prévu pour le mois de juillet. 1963, Algérie. Décret de mars sur la nationalisation des anciennes grandes fermes coloniales ainsi que sur la définition du système d'autogestion. 1977, Canada. L'entreprise de sécurité NAC propose ses services à la société Fer et Titane. Deux points ouvrant les guillemets, j'ai pensé qu'il vous serait utile de connaître les services que nous pouvons vous offrir. Agents spéciaux pour grève, chiens de garde, communication radiophonique sur nos propres cristaux, patrouille motorisée, équipe hommes et chiens, un chien très efficace pour éloigner les indésirables et empêche la violence. Cela remplace très efficacement une arme qui de toute façon n'est pas admissible en temps de grève. Canada, 1977. 1982, Israël. La destitution par le pouvoir israélien du maire de El Bireh en Cisjordanie suscite des grèves et des affrontements qui dureront plusieurs jours. 1983, Nicaragua. 1500 gardes de l'ancien dictateur Somoza, venus du Honduras, pénètrent dans le nord du Nicaragua. Ils veulent créer, avec la bénédiction efficace des USA, un front intérieur pour déstabiliser la jeune démocratie sandiniste. Je voudrais bien, mais je peux pas. C'est point commode d'être à la mode quand on est bonne du curé. C'est pas facile d'avoir du style quand on est une fille comme moi. Entre la cure et les figures des grenouilles de bénitié, la vie est dure quand on aime rigoler. Mais quand le diable, qui est un bon diable, me tire par les pieds, et ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées. Je fais des bêtises derrière l'église, je veux pas. Dieu me pardonne. suis la bonne du curé. Et je voudrais bien, mais je peux pas. Je voudrais mettre une mini jupette et un corsage à trou trou. Mais il paraît que pour faire la quête, ça ne se fait pas du tout. Quand je veux faire un brin de causette avec les gars du pays, je file en cachette derrière la sacristie. Mais quand le diable, qui est un beau diable, me tire par les pieds, et ça me gratouille, ça me chapouille, ça me donne des idées. Je fais des bêtises derrière l'église, je peux pas me l'empêcher. Dieu me pardonne, je suis la bonne du curé, et je voudrais toujours bien. Mais je peux toujours voir. Quand c'est la fête, j'en perds la tête. Je voudrais aller danser. Je voudrais monter en motocyclette pour me promener dans les bouées. Et qu'un beau gars me compte fleurette avec des disques à succès. Car les cantiques, ça ne vaut pas Claude Français. Mais quand le diable, qui est un beau diable, me tire par les pieds, ça me gratouille, ça me je suis la bonne du curé. Ah là là, depuis que j'ai vu ce Claude France, je la dis pas que je me prends pour une Claude. Et que je te balance pas pied à droite, pas pied à gauche. Monsieur le curé m'a dit que j'irai en enfer. Mais j'en ai rien à faire. J'irai danser quand même. Même si monsieur le curé veut point. La la la la la la la la la la. Ce timbre de 1944 est consacré aux ambulants, véritable institution populaire et légendaire, intimement liée à la vie quotidienne des Français pendant près de 100 ans. La première ligne de chemin de fer pour les voyageurs est construite en 1837 et ce nouveau mode de locomotion est très vite utilisé par la poste pour le transport du courrier. Jusqu'alors, le courrier était acheminé via les relais de la poste aux chevaux et l'arrivée du chemin de fer leur porte ainsi un coup fatal. Victime du progrès, les maîtres de poste disparaissent progressivement. Le chemin de fer va permettre un transport plus rapide des dépêches, mais surtout, l'idée, c'est d'utiliser le temps de trajet pour trier le courrier. Et c'est à partir du 1er mars 1845 qu'on expérimente le tri ferroviaire sur les 4 heures de trajet de la ligne Paris-Rouen. C'est un succès. Dès juillet 1845, la poste construit donc le premier wagon-poste, qui doit constituer un véritable bureau de tri ambulant monté sur roues. Il rappelle encore, par son aspect extérieur, la diligence, une voiture en bois qui adopte l'ancienne couleur des malles-postes. Avec la réussite des ambulants, on ouvre d'autres bureaux du même type, de Strasbourg à Mulhouse, de Paris à Valenciennes, enfin de Paris à Tours. Les ambulants qui y travaillent deviennent l'ossature de la circulation postale, on les surnommera les seigneurs de la poste. Si les wagons postaux s'agrandissent, l'aménagement intérieur, adapté au tri, reste cependant très sommaire pour les postiers, qui œuvrent debout toute la durée du trajet. Les conditions sont très dures, absence d'hygiène, manque de lumière, froid ou chaleur extrême. Ils doivent trier plus de 500 lettres au quart d'heure avec moins de 5 fausses directions. Jusque dans les années 20, les wagons postaux fabriqués en bois n'offraient pas une grande stabilité. Mais à partir de 1924, il fut décidé de construire des voitures métalliques, notamment après la catastrophe ferroviaire de Melun en 1913, qui fit de nombreux morts parmi les ambulants. Avec le progrès, la longueur des wagons passe de 4,80 m pour le premier à 7,20 m, puis 14 m, 18 m, voire 26 m en 1973. Le déclin des ambulants débute avec la montée en puissance de la poste aérienne après la Seconde Guerre mondiale. Les centres de tri automatisés se développant, le raccourcissement des temps de trajet ne permet plus le tri. On ne se contente plus que de transporter. Chaque week-end, nous lisons entre les lignes de l'actualité avec vous, Clément Viktorovitch. Bonjour. Bonjour. En ce week-end, nous évoquons le mouvement social à la SNCF avec une bonne partie des contrôleurs qui ont cessé le travail, une bonne partie des trains qui ne circulent pas. Et dans ce contexte, vous avez voulu revenir sur la question du droit de grève. Quelles en sont les limites et peut-on, comme le fait le Premier ministre Gabriel Attal, lui opposer un devoir de travailler? Pour vous, ce serait commettre un contresens. Véritable week-end de grève, en effet, à la SNCF. Une grève incompréhensible d'après Christophe Fanichet, le PDG de SNCF Voyageurs. Voire une grève surprenante, si l'on en croit Patrice Vergriet, le nouveau ministre des Transports. Alors, que le ministre des Transports se dise surpris d'une grève dans les transports, peut-être peut-on nous-mêmes nous en étonner. Le fait est que, d'après la SNCF, l'essentiel des revendications des contrôleurs ont déjà été satisfaites. Il n'y aurait donc aucune raison d'embêter les Français à la veille des vacances. Des arguments contestés en bloc par les contrôleurs grévistes. D'après eux, certains engagements essentiels n'ont pas été tenus, notamment la promesse d'ouvrir une discussion sur la fin de carrière des contrôleurs et sur l'intégration des primes dans le calcul de leur retraite. Et c'est dans ce contexte-là que le Premier ministre Gabriel Attal a pris la parole. Oui, avec une déclaration un peu plus inattendue. Écoutez ce que Gabriel Attal disait mercredi dernier lors d'un déplacement à Villejuif. Quand je me mets à la place des Français, je peux avoir parfois le sentiment que une forme d'habitude à chaque vacances qui arrive, d'avoir l'annonce d'un mouvement de grève. Moi, je vais vous dire, je pense que les Français sont très attachés au droit de grève et constitutionnel. Ils savent que la grève, c'est un droit. Mais je crois qu'ils savent aussi que travailler, c'est un devoir. Bon, 20 secondes de déclaration et tente à dire. Déjà, non, factuellement, on ne peut pas affirmer qu'à chaque vacances, il y a un mouvement de grève. Le dernier mouvement social date de plus d'un an, en décembre 2022. Et c'est précisément parce que certaines promesses faites à ce moment n'auraient pas été tenues que les contrôleurs ont décidé de repartir en grève. Nous avons donc ici une exagération volontaire visant à caricaturer la position d'un adversaire de manière à donner l'impression qu'elle se réfute d'elle-même. En rhétorique, on appelle ça un stratagème de l'homme de paille. C'est un cas flagrant d'argumentation fallacieuse. Il y a cette phrase sur laquelle vous voulez revenir, Clément Viktorovitch, très forte sur le droit de grève et d'un autre côté, le devoir de travailler. Oui, en effet. Bon, déjà ici, on observe un vieux principe rhétorique qui veut que dans une antithèse, c'est toujours ce qui vient après le « mais » qui prédomine. Si je vous dis « c'est vrai qu'il y a un devoir de travailler », mais le droit de grève est constitutionnel. Mmh. Tout le monde entend que c'est le droit de grève qui doit avoir la prééminence. Mmh. Gabriel Attal dit l'inverse. C'est vrai que le droit de grève est constitutionnel, mais il y a le devoir de travailler. C'est une manière de sous-entendre que certaines grèves seraient en réalité inacceptables. Il utilise ici la dimension implicite du discours pour nous faire comprendre ce qu'il ne pourrait pas prendre le risque de dire, une tentative de délégitimer certaines grèves. Mais sur le fond alors, est-ce qu'il y a peut-être, est-ce qu'on peut parler en tout cas d'un devoir de travailler ? Bon, c'est en effet la vraie question, et non. Du point de vue juridique, le travail n'est pas un devoir, c'est un droit reconnu par l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, je cite « Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail ». Or, si le travail est un droit, alors par définition, ça n'est pas un devoir. La définition d'un droit, c'est qu'on a le droit de ne pas l'exercer. Mais il y a aussi un autre texte juridique qu'on pourrait vous citer, la Constitution, le préambule de celle de 1946, l'article 5. Voilà ce qu'il précise. Chacun a le devoir de travailler et a le droit d'obtenir un emploi. Oui, c'est le devoir de travailler. Absolument, absolument. C'est parfaitement exact. Mais le devoir de travailler ne peut être entendu ici qu'au sens d'un devoir moral, pas d'une obligation juridique. Est-ce que Gabriel Attal est allé chercher les gagnants de l'euro-million ou les riches héritiers qui vivent de leur rente pour leur expliquer qu'ils ont le devoir de travailler ? Étonnamment, non. Et ce, pour une raison simple, du point de vue de la pensée économique. Dans une économie de marché, le travail n'est pas un devoir, c'est une nécessité. Vous travaillez parce que vous avez besoin d'assurer votre subsistance, point. Par ailleurs, précisons, puisque bon, manifestement c'est devenu nécessaire, que les contrôleurs travaillent. Ils travaillent. Ils ont simplement cessé là, temporairement, leur activité, comme la loi les y autorise. Et pour vous, cela n'est donc pas critiquable. Mais au contraire, c'est parfaitement légitime. Le marché du travail, du point de vue de la théorie économique libérale, qu'est-ce que c'est ? C'est l'expression d'un rapport de force entre employeurs et employés. La grève, c'est une des armes dont disposent les employés pour tenter de peser dans le rapport de force avec leur employeur. J'insiste là-dessus. Opposer un prétendu devoir de travailler au droit de grève, c'est tenter de délégitimer l'un des rares outils que possèdent les employés, tous les employés, pour faire valoir leurs intérêts sur le marché du travail. Votre regard sans détour sur l'actualité, entre les lignes avec vous, Clément Viktorovitch sur France. Que l'on touche à la liberté, et Paris se met en colère, et Paris commence à gronder, et le lendemain c'est la guerre. Paris se réveille et il ouvre ses prisons. Paris a la fièvre, il la soigne à sa façon. Il faut voir les pavés sauter. Fusils rouillés qui clignent de l'œil aux fenêtres, sur les barricades qui jaillissent dans les rues. Chacun sa grenade, son couteau ou ses mains nues. La vie, la mort ne compte plus. On a gagné, on a perdu. Mais on pourra se présenter là-haut, une fleur. Chapeau. On veut être libre à n'importe quel prix. On va vivre, vivre, vivre, vivre libre à Paris. Attention, ça va toujours loin quand Paris se met en colère. Quand Paris sonne le tocsin, ça s'entend au bout de la terre. Et le tremble quand Paris est en danger. Et le monde chante quand Paris s'est libéré. C'est la fête à la liberté et Paris n'est plus en colère. Et Paris peut aller danser, il a retrouvé la lumière. Après la tempête, après la peur, en ce moment, la pensée sur les situations politiques au niveau international se concentre sur les causes des guerres et les moyens de les empêcher. Il y a des différents frontaliers dans 150 pays sur 195, 28% d'entre eux sont déjà des conflits armés. Il est donc normal que ces questions viennent sur la table. Mais elles viennent avec une acuité particulière du fait des risques sans précédent couvrent en particulier la guerre au Proche-Orient avec le génocide des Palestiniens et en Europe avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Alors, dans ce contexte-là, notamment en raison de la guerre en Europe, apparaissent de nouveau des termes dont on ne mesure pas toujours très bien dans l'opinion publique ce qu'ils signifient. En ce moment, on parle beaucoup d'économie de guerre. Le propos est venu sur l'arène publique par le président de la République française, M. Emmanuel Macron, qui l'a utilisé pour la première fois en mai 2022. Et depuis, il est repris par toute une série de personnalités politiques françaises, puisque c'est de la France dont je vais parler aujourd'hui, qui sont dans le rôle connu, classique, des va-t-en-guerre, qui traitent tous ceux qui veulent la paix comme des moutons bêlants, des municois. Il n'y a jamais d'injures assez violentes dans leur bouche, tandis que on se tient en général quand on est dans le camp de la paix, pour une approche plus respectueuse du point de vue des autres, puisque précisément ce qu'on essaye de faire, c'est la paix, pas la guerre. Alors ces personnalités, c'est en général tous ceux qui d'habitude sont alignés sur les positions de l'OTAN. Comme arrive l'élection européenne, un certain nombre de têtes de liste aux élections européennes reprennent pour elles-mêmes ce discours de va-t-en-guerre, et avec des effets de menton toujours très impressionnants. C'est le cas en particulier de celui qui mène la liste du Parti Socialiste, qui est d'ailleurs mène curieusement cette liste, puisque lui-même n'est pas socialiste et n'a jamais été pour l'accord NUPES. Mais enfin, il utilise le terme d'économie de guerre et il dit qu'il faut passer à l'économie de guerre. Mais disons que c'est aussi le cas en partie dans un certain nombre de membres d'Europe Écologie Les Verts, et d'ailleurs c'est le même discours au niveau européen. Le nôtre, vous le savez, est tout autre. Nous sommes pour que la France prenne au contraire la tête du camp de la paix en Europe. Mais je viens d'abord sur le terme économie de guerre. C'est un concept qui a été mis en avant d'abord avec la Première Guerre mondiale, parce que c'était une guerre d'usure. Les deux camps étaient enterrés dans les tranchées de chaque côté du conflit, allemand et français, et c'est en convertissant l'activité de l'essentiel de l'économie de chaque pays qu'on s'est mis à produire des quantités considérables d'armes, de munitions, qui se substituaient à d'autres productions. D'où le concept d'économie de guerre, l'économie tournant essentiellement pour faire les produits nécessaires à la guerre, obus, canons, chars, véhicules de transport, etc., etc., etc. L'imagination dans ce domaine est quasiment sans limite. Et la même chose s'est retrouvée pour la Deuxième Guerre mondiale, où il a fallu que le passage à l'économie de guerre vienne compenser le fait que sur le continent européen, tout le monde avait été écrasé ou passé dans les mains des nazis, des fascistes, etc., et que seule l'Angleterre se trouvait en position de combattante avec un courage absolument inouï, qui en fit le point d'appui, qui retourna toute la situation. Mais pour y arriver, l'Angleterre, elle aussi, avait dû convertir ses usines pour produire des avions en quantité qui lui permettent de faire face aux effets destructeurs de la chasse allemande nazie. Donc voilà d'où vient le concept. Mais son contenu, vous le comprenez bien si les mots ont un sens, c'est transformer l'économie telle qu'elle fonctionne en une économie qui est tournée vers la guerre. Évidemment, ça part d'un concept, la guerre totale. On s'arme, on se surarme, on bombarde, on bombarde, on bombarde. Par exemple, aujourd'hui, les chiffres du nombre d'obus qui tombent en Ukraine dans la guerre avec la Russie est absolument inouï. C'est des quantités qu'il est impossible d'assumer par la seule économie ukrainienne, et donc, disent les Européens, tout le monde doit s'y mettre et produire pour aider à cette guerre. Évidemment, quand vous dites que vous faites de l'économie de guerre, ça veut dire que vous acceptez que la guerre soit une guerre totale, et surtout d'être dans une logique d'escalade. Parce que si vous produisez 1 million d'obus de plus, l'adversaire en produit 1 500 000. Et quand vous savez que l'adversaire en produit 1 500 000 de plus, vous-même vous en produisez 2 millions. C'est sans fin, et évidemment à un moment donné, on dit, on renonce à toutes ces armes, et on va en utiliser une qui est décisive. Vous devinez laquelle, c'est l'arme nucléaire, et en Europe, il est évident que l'escalade d'une entrée en guerre avec la Russie conduit directement à une guerre nucléaire. Je vous renvoie aux commentaires que j'ai faits sur les déclarations du président Emmanuel Macron sur ce sujet. Mais j'en reste à l'économie de guerre. L'économie de guerre joue aussi un rôle particulier dans l'économie capitaliste. Elle joue une fonction entraînante. Pourquoi ? Eh bien parce que quand vous mettez des milliards d'investissements pour accélérer les cadences en augmentant le nombre de machines qui travaillent au service de la guerre, en employant des gens de plus, donc vous avez besoin, vous faites appel à toutes sortes d'autres activités. Pour produire un obus, faut de la poudre, faut des gens qui la produisent, il faut fabriquer les obus eux-mêmes, il faut donc les gens qui la produisent, alors on les embauche, ils font le travail, c'est une commande purement artificielle, pardon du mot que j'utilise, mais un obus ça ne sert à rien dans la vie quotidienne à part tuer des gens. Et puis des fois on en produit beaucoup parce que c'est l'économie de guerre, puis on les garde, on fait des stocks. Bon, mais en tout cas regardez comment ça marche pour l'économie capitaliste, parce que ça fait fonctionner toutes sortes d'activités. Et puis, ceux qui eux-mêmes travaillent pour l'économie de guerre ont des payes et donc engagent d'autres dépenses. Vous augmentez la masse de ceux qui produisent sans augmenter les salaires, puisque vous ne pouvez pas augmenter le prix des armements. Mais pour le capitalisme, c'est une affaire en or. Et c'est le rôle que ça joue pour les États-Unis d'Amérique. Ne soyez pas naïfs, les gens. Quand on parle d'économie de guerre, on parle d'une compétition entre les économies. Que se passe-t-il aujourd'hui ? À propos de la guerre d'Ukraine, les États-Unis d'Amérique se sont mis d'une part à vendre du gaz et du pétrole, du gaz liquide et du pétrole aux États européens qu'ils ne pouvaient plus se procurer venant de Russie. Alors tout un marché s'est organisé, parallèle, qui font que les Européens s'approvisionnent auprès des Indiens qui ne produisent pas de pétrole mais des produits raffinés, auprès des Turcs qui en font autant, etc., etc. Mais surtout auprès des États-Unis d'Amérique qui ont trouvé avec la guerre d'Ukraine en Europe un marché extraordinaire pour leur gaz liquide puisqu'ils en vendent presque la moitié à l'Union européenne. Pour eux, déjà, la guerre d'Ukraine, c'est une bonne affaire commerciale. Deuxièmement, les États-Unis d'Amérique produisent des armements. Et les États-Unis d'Amérique avaient dit aux Européens, vous devez vous payer votre défense. Et si vous ne savez pas le faire, nous sommes là pour vous vendre des produits. Quels produits ? Des avions, des bombes, des radars, surtout des avions, vous le savez bien. Et ça n'a pas donné les résultats merveilleux sur lesquels ils comptaient, parce qu'eux comptaient que les Européens viennent leur acheter des armes, et donc ça lance leur économie d'armement sans être basée uniquement sur les dettes que l'État fédéral américain contracte pour se payer le fait d'être la première puissance mondiale militaire de très loin, puisque à eux tout seuls, ils représentent presque la moitié des dépenses d'armement du monde, et avec leurs alliés de l'OTAN, ça représente 80%. Donc c'est vraiment un système qui est central dans l'économie capitaliste. En augmentant les menaces avec la Russie, on pousse bien sûr tout le monde à s'armer. Et voilà bien où le problème a commencé. 70% des achats réalisés par les Européens se sont faits auprès de l'économie de guerre, l'économie d'armement, pardon, des États-Unis d'Amérique. Alors donc, pour l'Europe, c'est une affaire qui fait tourner l'économie d'armement nord-américaine et qui prospère pour l'essentiel pour les États-Unis. Alors au moment où les États-Unis annoncent que eux ne veulent plus envoyer de matériel ni le payer à l'Ukraine, eh bien ça fournit un prétexte à l'Europe pour dire « Ah ben si c'est comme ça, on va s'en occuper nous-mêmes ». Et donc il y a eu des plans de passage à des méthodes de l'économie de guerre qui ont été avancées. Le premier, en mai 2023, il s'appelait ASAP. On ne retiendra pas l'abréviation, ni vous ni moi, mais on sait que ça s'est passé en mai 2023, ils ont prévu un certain nombre de choses, des crédits qu'ils allaient ramasser un peu partout, parce que quel est le problème de l'Europe ? C'est qu'elle ne veut pas augmenter ses rentrées fiscales. Alors il faut faire avec ce qu'il y a, et ce qu'il y a n'est déjà pas suffisant pour ce qu'il faudrait faire. Donc le budget européen s'est mis à grappiller un peu partout, sur un peu tous les fonds de développement, fonds d'aide pour les régions dites ultra-périphériques, font de ceci, font de cela, pour arriver à trouver les millions dont on a besoin pour alimenter les usines d'armement et les plans d'armement. C'est là qu'on en vient maintenant, aux conditions dans lesquelles l'économie de guerre se construit. Alors là, il se passe quelque chose de tout à fait incroyable. C'est que les différentes nations qui composent l'Union européenne et qui peuvent participer à l'économie d'armement découvrent ce qu'elles savaient déjà, qu'elles n'ont plus d'industrie, puisqu'on a massivement désindustrialisé. Certains pays qui ont une industrie, comme l'Allemagne, n'arrivent plus à vendre leurs produits, machines-outils et voitures, super-voitures d'exception, puisque maintenant, les Chinois les produisent, aussi bien les voitures que les machines-outils, et que pratiquement tous les produits exceptionnels qui autrefois venaient beaucoup de l'industrie allemande, qui à un moment donné a cru même qu'elle pouvait se passer de l'Europe, puisque 50% de ses exportations sont devenues des exportations en dehors de l'Europe. Alors l'Allemagne, qui avait besoin de l'Europe pour vivre, pour se développer, avait commencé à mettre tout ça à distance. Et d'ailleurs, il y avait des discussions assez incroyables qui avaient lieu en Allemagne sur est-ce qu'il faut continuer l'euro ou est-ce qu'on ne doit pas plutôt revenir à un mark fort. Enfin, tout ça, maintenant, c'est du passé, on n'en est plus là. Mais vous, la plupart d'entre vous, vous n'avez jamais su que ce genre de discussion avait lieu en Allemagne parce qu'en France, la décision officielle et médiatiquement dominante, c'est nos amis allemands et le couple franco-allemand. Donc, la vérité est un autre sujet. Ce qui compte, c'est celle qui intéresse la vision bucolique, angélique des médias dans la relation à l'Allemagne qui, elle, ne s'occupe que d'elle-même et de personne d'autre. Donc, on dit à tous ces pays, maintenant, il faut redévelopper l'industrie, notamment pour aller vers l'industrie d'armement. Vous avez compris que c'est une industrie bien particulière. Métallurgie, plastique, chimie pour la poudre, etc., etc. Ça touche tous les compartiments. Mais regardez bien, du point de vue de l'économie capitaliste, que ça change. Normalement, nous, on dirait, écoutez, si vous voulez faire un effort coordonné, organisé, faites-le pour changer les machines, changer les matières premières, organiser la transition, la bifurcation vers une économie qui soit une économie non polluante, une économie qui réponde aux défis du changement climatique. Ah non, c'est pas possible. Vous comprenez bien qu'à chaque fois, il ne s'agit que d'une chose, trouver le moyen de relancer l'économie capitaliste. Et en ce moment, l'économie capitaliste, elle va très mal, parce que sa croissance, et vous savez qu'elle ne peut pas fonctionner sans croissance, ralentit, dans les pays comme l'Europe, c'est la cata ouverte, bref, il leur faut une accélération. Je vais me limiter à l'exemple français, pour que vous voyez ce que ça donne. Déjà au niveau européen, le premier plan, avant que M. Breton intervienne avant-hier, je crois, la production européenne d'armement avait réussi à progresser de 20 à 30%. Ça s'est fait en peu de temps, un an, et des choses comme ça. Il leur faudra 2 ou 3 ans pour tourner et devenir entièrement une économie de guerre, si c'est bien la pente vers laquelle on va. C'est à peu près le délai qu'il avait fallu, on peut dire que maintenant on saurait faire plus vite, à la Deuxième Guerre mondiale, pour faire tourner toute l'économie des États-Unis d'Amérique ou de l'Angleterre en économie de guerre. Donc on sait qu'il y a un délai. Donc ce qu'il faut regarder, c'est la tendance. Alors que se passe-t-il en France ? Nous avons en France une économie d'armement, nous savons le faire. Nous savons, normalement, nous savions produire à peu près tout. Et nous avons un modèle d'armée, on dit, complète, c'est-à-dire il y a tout dedans. Il y a un porte-avions, il y a la bombe nucléaire, il y a les avions, les meilleurs du monde, les canons, les meilleurs du monde, etc., etc. C'est le très haut niveau de production, mais dans des quantités limitées, et d'une manière chaotique ou chaotante. Donc on s'est mis à acheter des fusils à tel pays, des munitions à tel autre, et en fait, de devenir, pour toutes sortes de productions, dépendant des autres. Or, le principe de la guerre, c'est que précisément, ça coupe les chaînes d'approvisionnement. Donc si vous voulez avoir une économie d'armement sérieuse, qui vous arme sérieusement, il faut vous permettre de vous protéger de la coupure des approvisionnements. Et c'est là que les choses commencent à devenir tout à fait intéressantes, parce que ce qu'on vous disait hier, impossible à faire, parce que c'est le marché qui doit répondre, et bien tout d'un coup, ça devient possible. Le marché est incapable de répondre à la demande d'armement. Vous comprenez ? Ça veut dire qu'il y a des circonstances qui sont exceptionnelles, vous avez une demande, et eh ben il n'y a pas d'offre, ou il n'y a pas les moyens de fournir cette offre. Et les capitalistes qui se gorgent d'argent en ce moment n'investissent pas un rond dans l'économie. Ils mettent tout ça dans la sphère financière. Il faut donc faire tourner la machine, et pour ça, il faut répondre aux besoins rationnels d'une organisation de cette nature. Lequel ? Bah déjà, vous commencez par dire, bah faut relocaliser, pour ne plus être dépendant de longues chaînes d'approvisionnement. Tiens, je croyais que c'était impossible. Que relocaliser, c'était le repli sur soi, le protectionnisme, nani naner. Ah ben là, c'est possible. Et donc, l'industrie d'armement, la Direction Générale de l'Armement, qui est un organisme extrêmement performant, parce que ce qu'on leur demande de faire, ils le font, ben, ils commencent par dire, ben, faut relocaliser. Ensuite, quand vous relocalisez, vous évitez les chaînes longues d'approvisionnement, mais il faut être sûr de pouvoir s'approvisionner. Ah ben, il y a certains produits, on les a plus. Eh ben, très bien, donc il faut passer des commandes pour créer les nouveaux matériaux qu'on serait capable de produire ici, puisqu'on ne peut pas les avoir ici et qu'on est obligé de les demander à d'autres. D'accord ? Deuxième élément, donner une direction à la qualité de l'économie et de la production, tout d'un coup, ça devient possible. Hier, on nous disait que ce n'était pas possible. Donc, c'est le remplacement des matériaux inaccessibles. Ensuite, il faut repérer les goulets d'étranglement, comme ils disent. C'est-à-dire, vous avez la grosse entreprise, on dit, tiens, on lui commande, pas moi, 1 000 000 d'obus, ou 100 000, ou 200 000, peu importe. Alors, la très grande usine commence à se mettre en mouvement. Ah oui, mais il lui faut des roulements à billes, c'est pas elle qui les produit. Il lui faut telle qualité d'acier. Ben, c'est pas elle qui le produit, elle le fait amener, en fait. Bref, vous avez des besoins qui, eux, se répercutent sur d'autres secteurs de la production. Et c'est là que vous avez des goulets d'étranglement, parce que la très grande entreprise qui arrivait à vivre avec des productions à une cadence moyenne, si elle augmente sa cadence, c'est ceux qui les sous-traitants qui, eux, arrivent pas à suivre. Ça s'appelle les goulets d'étranglement. Donc, la Direction Générale de l'Armement a repéré les goulets d'étranglement. Tiens, je croyais que c'était pas possible par rapport à une bifurcation écologique de l'industrie. Ils en ont trouvé 400 comme ça. Et sur les 400, ils en ont déjà réglé 40. Ah, je croyais que c'était pas possible, que c'était pas l'État qui donnait des ordres aux entreprises, mais que c'était le marché qui... Vous voyez ? La démonstration qui est faite à cette occasion, c'est que, un, le marché est incapable, on l'avait déjà vu au moment de la crise Covid, incapable de faire face à une crise, et même à un besoin vital pour la société, parce que quand on demande de l'armement, en général, c'est qu'on a un problème vital. Je ne porte pas de jugement, je vous dis juste comment la logique des événements fonctionne. Et puis, on leur a dit à la DGA, ils disent, bah écoutez, c'est normal, les entreprises, pour qu'elles puissent se mettre à augmenter, les cadences, les machines qu'elles mettent, il faut qu'elles aient de la prévisibilité, eh oui. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles soient garanties de produire, d'avoir des commandes pour telle quantité et pour telle durée. Autrement dit, pendant les 2-3 prochaines années, nous vous garantissons que nous allons vous acheter tant de milliers d'obus, tant de milliers de je ne sais quoi, de production d'armement. Donc, je croyais que non, ça c'était malsain, qu'il fallait s'en remettre au marché, qu'en fonction de la demande, eh bien l'offre surgirait ou que l'offre créerait une demande nouvelle. L'économie d'armement, eh bien vous voyez qu'elle met à bas à peu près tous les canons et les grands principes de la soi-disant économie de marché. L'économie d'armement permet d'augmenter la masse de la production sur le dos de la collectivité, car les armes, ce ne sont pas les particuliers qui vont les acheter des obus, donc c'est la collectivité qui va se payer ça, la collectivité des citoyens. Donc c'est un marché sans aucun risque pour ceux qui investissent dedans, puisque les commandes sont garanties. C'est le contraire de tout ce qu'on nous a dit sur les vertus, les miracles de l'économie de marché. Alors il leur reste quand même un problème. Il faut aussi trouver les sous. Qui va payer tout ça? Alors là, c'est le concours Lépine pour trouver des idées. Alors vous avez déjà des gens qui ont trouvé une magnifique. On n'a qu'à utiliser les avoirs russes qu'on a gelés. Alors vous avez toutes sortes de grands esprits, qui pétarades d'enthousiasme, qui le reste du temps vont venir vous dire « Vous ne respectez pas les lois du marché, vous n'y comprenez rien, etc. » Mais simplement, voyez-vous, le droit international interdit de faire ça. Vous avez le droit de geler. Vous avez le droit de mettre sous cloche les avoirs d'un pays, mais pas de les confisquer. Et si vous les confisquez, c'est un acte de guerre. Et si vous les confisquez, il est évident que la question qui se pose à ceux qui ont des sous à placer, c'est de plus les mettre chez vous. Parce que dans l'économie telle qu'elle fonctionne, ouverte, la concurrence libre et non faussée, la finance qui circule sans limite, voilà où on est un peu garanti. C'est pour ça que l'argent va si souvent d'abord aux États-Unis d'Amérique, parce qu'ils se disent, là-bas, au moins, il est à l'abri. Si les Européens commencent à dire, nous, si vous déposez des sous chez nous, si nous, on le décide, on vous les confisque, un, et deux, on les utilise à notre profit. Vous voyez bien ce qui va se passer, c'est que les gens vont dire, écoutez, finalement, nous, on préfère placer notre argent ailleurs et dans une autre monnaie qu'en euros. Alors, ce sont des propositions qui paraissent très scrogneux guerrières, mais qui vont d'une aberration à l'autre. En attendant, s'il s'agit de confisquer de l'argent ou de l'utiliser de force, nous avons d'autres idées. Pas que nous. Certains ont dit, il faut utiliser l'argent du livret A, parce que là, il y a des milliards pour l'économie d'armement. On prend cet argent, on le prête à l'économie d'armement, l'économie d'armement fournit des armes, les autres nous les achètent et on rembourse avec ça le fonds livret A. Mais le livret A, c'était fait pour le logement, pas pour produire des obus. Alors au moment, dans une crise de logement, c'est le moment où on choisit de prendre l'argent du logement pour aller le mettre dans les obus. Tout ça est un tissu d'idiotie intenable dans une réflexion un tant soit peu normale. Alors, si vous cherchez vraiment de l'argent, dans le livret A, ou dans d'autres livrets d'épargne valorisés de cette nature, pourquoi aller le chercher là? Pourquoi? Je donne un exemple, mais c'est par dérision, entendez-moi, je ne suis pas en train de proposer de financer l'économie d'armement, parce que tout d'un coup, je trouverais ça génial. Mais vous avez 1500 milliards qui sont dans les assurances-vie. Ça n'existe, ces 1500 milliards, que parce qu'il y a un régime fiscal particulièrement favorable. Sur ces 1500 milliards, il y en a la moitié qui est placée à l'étranger. Eh bien, l'État pourrait dire, maintenant, la moitié qui est placée à l'étranger, plus d'avantage fiscal. Si vous le mettez dans l'économie d'armement, vous garderez votre avantage fiscal. Alors, vous comprenez, c'est simple. La moitié de 1500 milliards, c'est 750 milliards. Ça fait du bruit. J'ai déjà proposé, moi, dans le plan de l'avenir en commun, qu'on l'utilise à d'autres choses socialement utiles, écologiquement utiles. Mais puisque les grands esprits sont là, posez-vous la question, pourquoi ne propose-t-il pas de prendre cet argent-là? Pourquoi propose-t-il de prendre votre argent, celui qui est dans le livret A, parce que là, c'est les petites économies qui sont dans le livret A, et ce sont les économies du peuple français, tandis que l'argent qui se trouve dans les assurances-vie, bien sûr, c'est le peuple français aussi, mais c'est un système des assurances qui est beaucoup plus important et qui est directement connecté à la sphère financière. Ils n'ont pas envie de créer un problème à la sphère financière, mais ils sont prêts à le créer avec votre argent. Voilà ce qu'il faut avoir à l'esprit pour comprendre que la guerre Ukraine-Russie est un moyen de plus que se sont donnés, petit a, les États-Unis d'Amérique, de pressionner l'Europe, de créer un tournant à l'intérieur de l'économie capitaliste pour lui donner un nouvel espace de respiration qui repose sur l'économie d'armement et la dite économie de guerre. Mais pour qu'il y ait une économie de guerre et une économie d'armement qui se remette en route, faut un ennemi crédible. Or, l'idée que la Russie ait l'intention d'envahir toute l'Europe est une idée qui n'a aucun sens. Alors, naguère, j'avais dit, le danger en Ukraine, c'est si l'OTAN rentre en Ukraine. Donc, l'OTAN ne doit pas rentrer en Ukraine, et la Russie ne doit pas rentrer en Ukraine non plus. Et la Russie est entrée en Ukraine, donc aussitôt, nous avons dit, pas question qu'on touche aux frontières en Europe, on ne peut pas être d'accord avec ça. Et récemment, j'ai vu encore des, je ne sais pas si on peut appeler ça des journalistes, des agités de plateau, de dire oh, « Vous êtes trompé complètement, vous avez dit qu'il n'y a pas de risque. » Non, non, non, bonhomme. C'est pas moi qui ai dit qu'il n'y avait pas de risque. C'est Madame Parly, ministre de la Défense de M. Macron. Et c'est le chef d'état-major des armées. Et c'est le chef du renseignement militaire qui était venu à une commission de la défense et qui avait dit « Nous avons les moyens de voir, de voir des avions, des bateaux, etc. Et nous voyons, et nous n'arriverons pas à la même conclusion que les États-Unis d'Amérique. » Donc ce sont les Français qui ont dit qu'il n'y avait pas de risque d'intervention. Mais le sujet se pose dans des conditions d'une réflexion normale pour nous. Quel est l'intérêt pour la Russie de s'en prendre à toute l'Europe? Quel est son intérêt? Pour l'instant, le seul résultat auquel nous soyons arrivés, c'est de l'avoir jeté dans les bras des Chinois, dont nous pleurons tous les 5 minutes qu'ils sont des concurrents. Pourquoi sont-ils des concurrents? Ben parce que nous n'avons pas essayé une seule minute d'en faire des partenaires. Et qu'on en avait fait une espèce de réserve en se disant, ben ils vont produire pour nous, et puis nous on pourra faire autre chose. Maintenant, vous voyez où on en est. Voilà. J'espère ne pas avoir été trop long. Mais je le redis, le vocabulaire de l'économie de guerre est destiné à relancer l'économie d'armement. Et la relance de l'économie d'armement a d'abord pour objectif de faire respirer l'économie sur le modèle capitaliste sans toucher à la question fondamentale des salaires, du niveau des salaires qui permettrait de relancer la consommation populaire en permettant aux gens de se procurer les biens dont ils ont besoin. C'est un choix particulier de fonctionnement de l'économie. Et deuxièmement, c'est un choix qui permet, qui donne pour l'instant l'avantage à une nation qui est en compétition avec les autres, les États-Unis d'Amérique. Et en ce moment, ce que nous voyons, c'est l'Union européenne, les pays de l'Union européenne, utiliser la nouvelle situation pour essayer de faire face à la concurrence des Nord-Américains. Et croyez-moi, elle n'est pas prête de se ralentir, parce que les dernières déclarations qui ont été faites, aussi bien par Joe Biden que par Donald Trump, vont toutes dans le même sens. Réorganiser la production aux États-Unis d'Amérique pour la relocaliser. Et ceci, évidemment, sur le dos de leur propre zone d'expansion, et ils considèrent que l'Union européenne est là-dedans. J'espère que tout ça n'aura pas été trop technique pour ceux qui m'ont entendu à cet instant. J'ai parlé aussi vite qu'on m'a demandé de le faire, pour que ça ne dure pas des heures. Mais ce sont des choses qu'il faut éclaircir à mesure que les mots arrivent sur la scène. Économie de guerre, économie d'armement, etc., etc., surtout quand ils sont portés par des va-t-en-guerre qui ont juste oublié de vous dire pourquoi on fait la guerre. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je mendierai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. À Madame la Présidente Mathilde Panot pour le groupe La France Insoumise de l'Assemblée nationale. Madame la Présidente du Congrès, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, collègues. Aujourd'hui, la France se tient face au monde. Aujourd'hui, en entrant dans l'histoire des nations pionnières des droits des femmes, la France s'honore. En 1893, la Nouvelle-Zélande devenait le premier pays au monde à reconnaître le droit de vote des femmes. En 1906, c'est la Finlande où les femmes obtenaient les premières le droit d'être élues au Parlement. Ce 4 mars 2024, la France renoue avec sa vocation de phare des droits humains quand, il y a un peu plus de 2 siècles, sa révolution a inspiré le monde. Aujourd'hui, c'est la France qui va pour la première fois consacrer le droit à l'avortement dans la Constitution. Aujourd'hui, notre vote est une promesse faite à l'avenir, une protection que nous devons à la moitié de l'humanité pour laquelle la nuit n'a que trop duré. C'est avec émotion et fierté que je me tiens devant vous alors que j'ai eu l'honneur d'initier le premier vote à l'Assemblée nationale pour constitutionnaliser l'IVG que le mouvement insoumis défend depuis 2011. Je salue Mélanie Vogel qui a ouvert la voie au Sénat et toutes les parlementaires engagées dans ce combat. Ce moment historique a été arraché par une victoire parlementaire, mais ce sont surtout des décennies de combats de militantes, de collectifs et d'associations comme le planning familial que nous faisons entrer aujourd'hui dans notre norme suprême. Cette victoire, nous la voulons comme un hommage à celles qui ont tracé le chemin. De Madeleine Pelletier, infatigable militante pour les droits absolus des femmes à disposer de leur corps dès 1911, morte internée d'office dans un asile pour avoir aidé une jeune femme violée à avorter. À Gisèle Halimi, Simone de Beauvoir, Simone Veil, aux militantes du MLAC de Choisir ou encore aux 343 qui demandaient il y a 50 ans déjà le libre accès à l'avortement, à une contraception gratuite et à l'éducation sexuelle. Cette victoire, nous l'arrachons en mémoire de celles dont on a retenu le nom, mais aussi de toutes les anonymes qui sont restées dans l'oubli. Nous l'arrachons avec et pour celles qui continuent de se battre aujourd'hui et savent comme ce droit est fragile. Cette victoire, nous la voulons fondatrice, annonciatrice d'une série de victoires futures ici et ailleurs. Et alors que nous votons ce texte, les Polonaises ont regagné la semaine dernière le droit à la contraception d'urgence. Notre vote aujourd'hui a le sens d'une reconnaissance, celle de l'avortement comme droit fondamental humain. Car il pèse toujours sur les droits des femmes la menace d'une régression. Car le droit à l'avortement figure toujours en premier sur la liste des conquêtes à abattre de la part de l'extrême droite. Comme en Argentine, où le nouveau président Javier Milei a déjà annoncé avoir pour priorité d'abroger l'avortement. Comme en Pologne, où 6 femmes sont mortes depuis la quasi-interdiction de l'avortement. Comme aux États-Unis, où depuis juin 2022, 65 000 femmes n'ont eu d'autre choix que de poursuivre une grossesse issue d'un viol. Collègues, en France, en 2024, les mouvements anti-choix s'organisent toujours contre le droit à l'avortement. Ils attaquent régulièrement les plannings familiaux, ils désinforment quand ils ne siègent pas comme députés à l'extrême droite en comparant l'avortement à des meurtres de masse ou à des génocides. N'en déplaise aux réactionnaires, notre corps n'a pas de mission qui lui préexiste. Le sens d'une vie est toujours celui que l'on décide d'écrire. L'histoire du féminisme est celle de l'émancipation d'une destinée utile, unique. L'histoire du féminisme est l'histoire de ce devenir indéterminé où chacune se fait sujet de son propre existence. Pour cela, le droit à l'avortement est au carrefour de l'intime et du politique, la condition fondamentale dont dépendent toutes les libertés, la condition de notre égalité réelle à construire avec les hommes. Nous continuerons de nous battre pour abroger la double clause de conscience, pour que les sages-femmes puissent réellement réaliser des IVG instrumentales. Peut-être l'avons-nous gagné aujourd'hui. Pour que l'accès à l'avortement soit effectif, alors qu'une femme sur quatre doit changer de département pour pouvoir mettre fin à une grossesse non désirée. Nous continuerons de nous battre pour inscrire le droit à l'avortement dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Mais aujourd'hui, nous célébrons une victoire historique. Notre vote est une promesse faite à l'avenir. Plus jamais nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants n'auront à revivre les supplices qui les ont précédés. Notre vote est une promesse aussi pour toutes les femmes qui luttent partout dans le monde pour le droit à disposer de leur corps, en Argentine, aux États-Unis, en Andorre, en Italie, en Hongrie, en Pologne. Comme en écho, ce vote aujourd'hui leur dit « Votre lutte est la nôtre, cette victoire est la vôtre ». Louise Michel disait « J'ignore où se livrera le combat entre le vieux monde et le nouveau, mais peu importe, j'y serai ». À notre manière, nous y sommes. Aujourd'hui, la France fait son entrée dans le siècle des droits des femmes. Dès aujourd'hui, que toute femme choisisse elle-même sa destinée. Merci, Madame la Présidente. Quand tu chantes, je chante. Avec toi, liberté. Quand tu pleures, je pleure aussi ta peine. Quand tu trembles, je prie pour toi, liberté. Dans la joie ou les larmes. Liberté.

la gestion des déchets nucléaires. Pour la première fois, des personnalités critiques du nucléaire, comme Jean-Claude Zerbib, sont inclus dans la réflexion. Un jeune berlinois, aux yeux de porcelaine, sans trop savoir pourquoi, pense à Lily Marlène. En rêvant d'autrefois, il a du vague à l'âme. Sur le coup Fürstendamm, il fredonne à mi-voix. Lorsque papa était à Paris en occupation, il rapportait du sucre à du riz et des provisions. Et dans les rues de Berlin, maman qui était souris grise se promenait en deux sans fin, elle était exquise. J'emboîtais le pas, mon petit nez en l'air, sentait la lotion. Le chocolat ou le café vert en torréfaction. Vraiment, on ne s'en faisait pas pour aller aux commissions lorsque papa était à Paris en occupation. Le jeune berlinois qui n'a pas raté le coche, sans trop savoir pourquoi, ah, des marques plein ses poches. Mais il songe parfois, en mâchant son chewing-gum, que s'il est un bel homme, c'est parce qu'autrefois, lorsque papa était à Paris en occupation, il rapportait du sucre à du riz et des provisions. Et dans les rues de Berlin, maman qui a ta souris grise, aux pigeons distribuait du pain, elle était exquise. Entre les repas, on allait en tram prendre une collation. Chez tante Greta ou chez l'oncle Herman, voir ses collections. Vraiment, on ne s'en faisait pas, il n'y a pas l'autre expression. Lorsque papa était à Paris en occupation, le jeune berlinois, qui ne veut pas d'esclandre, soudain baisse la voix, car on pourrait l'entendre, et le montrait du doigt, comme un énergumène, unique phénomène, qui prétend qu'autrefois, lorsque papa était à Paris en occupation, il rapportait du sucre à du riz et des provisions. Et dans les rues de Berlin, maman qui était la souris grise, lui demandait s'il n'avait pas faim, elle était exquise. Ça ne s'oublie pas, mais il repense encore avec émotion, que si n'est-ce pas, on bat les records de la production. C'est parce qu'autrefois, oh la belle génération, on ne manquait pas de sucre et de riz et de provisions. Lorsque papa était à Paris en occupation. Mais en attendant, si on classait les pays comme ça, on commencerait par les 6 qui sont plus endettés, à plus de 100%. La Grèce, vous savez, qui est enfin revenue grâce à la politique énergique que nous lui avons enfin et responsablement imposée, au moment où elle était à 110% de son PIB. Et bien maintenant, elle est à 170 et ça va mieux. Alors, c'est pas du génie, ça, dans l'art de se moquer du monde. Rappelez-vous ce qu'on leur a fait subir à ces pauvres Grecs, pour arriver à cet exploit. Dites voir où est passé le reste de la dette supplémentaire qui a été faite. Je m'éloigne de mon sujet. Je reviens au classement. Alors, vous auriez en haut les 6, et en bas, les crevards qui ne s'endettent pas. Le premier, je ne sais plus lequel c'est, et le deuxième qui ça serait, la Russie. Ils seraient parmi les 2 pays les moins endettés de l'Union européenne à la veille de leur effondrement économique. Je vous ai dit, taux de chômage le plus bas, taux de croissance le plus élevé, 100 à 200 milliards de fonds souverains accumulés grâce à la vente du pétrole qui ne s'est pas arrêtée en seul jour. Parce que, comme il y a besoin de pétrole partout, on le prend là où il est. Et là où il n'y en a pas, il n'y en a pas. Mais là où il y en a, il y en a. Et ils le vendent. Alors si vous ne l'achetez pas directement, ben vous allez l'acheter aux Indiens qui n'en produisent pas. Et personne ne se pose la question. Comment ça se fait que l'Inde nous vend autant de pétrole alors qu'ils ne trouvent pas de pétrole chez eux? Mince alors! Ils le raffinent. Ah, parfait. Très bien, on le préfère raffiner. Parce que chez nous, on avait, il y a encore 5 ans, 22 raffineries. Maintenant, il n'y en a plus que 8 et peut-être 7. Donc on a besoin de produits raffinés. Surtout que les entreprises pétrolières qui ont fermé leurs raffineries en Europe les ont ouvertes ailleurs. Hein. Croyez pas qu'ils ont arrêté de raffiner, il y en a toujours. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils sont allés voir l'Union européenne pour dire « Et nous, on pollue moins qu'avant en Europe. » Envoyez l'oseille. Il y a des primes pour ça. C'est comme ça que ça s'est passé, tout ça. J'essaye de vous en faire sourire pour que vraiment vous vous guérissiez de les croire. Ils mentent tout le temps. Ils racontent des histoires. Et le pire, c'est que souvent, ils y croient eux-mêmes. C'est ça le pire. S'ils se contentaient de se moquer de nous, à ma foi, on dirait au moins, ils savent où ils vont. Mais non, ils ne le savent pas. Donc, voilà où on en est. Ils ont des réserves et on a réussi un autre tour de force grâce à nos sanctions. Je le savais, nous le savions, puisque quand il y a eu les premières sanctions, nous sommes allés, nous, en Russie, nous soutenir des opposants. Les autres font des phrases, hein. Nous, on est poutiniens. Eux, ils sont anti-poutiniens au salon, au chaud, dans leur fauteuil, avec leur plaid sur les genoux quand ils regardent la télé. D'accord ? Et le reste du temps, rien. Ils ne foutent rien. Nous, nous hébergeons depuis 2 ans des opposants socialistes avec nos camarades du POI, d'accord, qui sont des opposants socialistes à Poutine. Nous, on le fait. Eux, ils n'ont jamais mis une seule fois la main à la poche pour dire « Tiens, allez, on participe ». Vous comprenez pourquoi il y a de quoi se fâcher de voir tous ces donneurs de leçons qui ne font rien ? Allez, venez nous aider au lieu de parler. Donc, on y est allé et on a rencontré la chambre de commerce franco-russe. Des patrons, pas insoumis, hein. Et ils m'ont dit, ah mais vous, vous pouvez peut-être quelque chose pour nous, c'est absurde. Parce que tout ce qu'on leur vendait, on les a mis dans l'obligation de le produire eux-mêmes. Ils l'ont fait. Donc, ils produisent eux-mêmes ce qu'on leur vendait avant. Et quand ils n'ont pas, ils se sont mis avec les Chinois. Et ce qui est formidable, c'est que grâce à nous, maintenant, le premier fournisseur de pétrole de la Chine, c'est les Russes, qui nous en vendaient 40% et maintenant seulement 5%. Et ils n'ont pas besoin de nous. Et ils font ça avec les Chinois. Lesquels Chinois leur vendent toutes sortes de marchandises qu'autrefois on leur vendait nous. Et sinon, ils les produisent eux-mêmes. Et ils viennent de découvrir, parce qu'ils sont des capitalistes de fraîche date, les Russes, que l'économie d'armement, c'était le pied. Donc dans l'économie capitaliste, ils ont déclenché le réarmement de la Russie en remettant en route des usines d'armement par-ci, par-là. Et c'est pour ça qu'il y a si peu de chômage en Russie. Et ces gens qui se sont mis dans l'armement, ils ont fait que l'année dernière, le taux de croissance de l'industrie métallurgique et compagnie, c'est 9 points. 9% de croissance. On rêverait, nous, de voir ça. Hein ? Eh bien, ils l'ont fait avec l'économie d'armement. Donc, vous comprenez que tous les marchands de canons de toute la planète dressent les oreilles en disant, ben, tiens, on va faire ça chez nous aussi. Et en avant que les Indiens commencent aussi à remettre en route leur... Donc, bref, quand je vous parle d'un risque de guerre généralisée, c'est que chaque jour qui passe, les éléments s'en rassemblent. Et par contre, chaque jour qui passe, il faut tenir sa langue et savoir ce qu'on raconte et faire très attention à ne pas être dans le problème, mais dans la solution. À ne pas aller menacer tout le monde quand il s'agit de construire la paix. Or, la France, telle que l'a conduite Emmanuel Macron, maintenant est toujours dans le problème et jamais dans la solution, que ce soit au Proche-Orient ou que ce soit en Europe dans la question ukrainienne. Je le dis d'autant que, à plusieurs reprises, on s'est demandé s'il n'était pas en train de bouger et que ça allait faciliter la politique de notre pays. Alors donc, la politique de répression économique, résultat zéro, le contraire de ce qu'on voulait faire. Il y a des gros malins qui ont inventé que, puisque les Russes se tenaient mal, on allait le déclarer en défaut. C'est-à-dire, ils ne payent pas leurs dettes, quelle horreur. Ça serait la première fois dans l'histoire qu'un pays aussi peu endetté est mis en défaut. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé auparavant. Mais les va-t-en-guerre américains, dans un instant, je vous dis pourquoi, on dit on va le déclarer en défaut. Pas de bol. Personne ne déclare un État en défaut. Ça ne fait pas partie des conventions internationales. Si vous, vous ne voulez plus payer votre maison ou votre bagnole, moi qui vous ai prêté les ronds, je suis le banquier, je vais voir les flics ou le juge, et je dis, il ne veut pas payer. Elle va dire, ah, monsieur, vous ne pouvez pas payer, allez, hop, dehors, on vend votre truc. Il y a une hypothèque dessus, fermé, c'est fini. C'est le banquier qui vous aura déclaré en défaut et aura fait appliquer par la justice, vérifier que vous ne pouvez pas payer, etc. Entre États, ça n'existe pas. C'est le créancier qui dit que vous êtes en défaut. Alors écoutez, moi, si j'ai des dettes et qu'on vient me dire « Ah ah, vous ne pouvez pas les payer », je regarde s'il va m'en cuire ou pas. Mais s'il ne m'en cuit pas, je dis « Ben non ». Il y a 57 milliards de dettes, de milliards de dollars, de la dette russe qui est tenue par des étrangers, qui de toute façon font la gueule, parce que c'est des Américains, c'est des ceci, c'est des cela. Alors s'ils déclarent un défaut, les seuls à qui ça va faire du bien, c'est les Russes. C'est les Russes, parce qu'eux, ils n'ont pas dit qu'ils étaient en défaut. Ils disent juste un truc, ils disent, nous, on ne peut pas vous rembourser la dette qu'on a avec vous, on n'a plus de dollars. Ils ne veulent pas nous en donner. Donnez-nous des dollars, on paye votre dette. Vous en donnez pas, on ne paye pas. Qu'est-ce que vous voulez dire contre ça? C'est quoi votre argument? Eh bien, vous dites rien, ils voudraient mieux. Mais eux, ils continuent à dire, non, non, ils sont en défaut, il ne faut plus leur prêter d'argent, il ne faut pas leur en donner, ça tombe bien, personne ne veut le faire. Et si par hasard quelqu'un le fait, les États-Unis d'Amérique lui tombent dessus en disant, vous l'avez fait en dollars, c'est notre monnaie, donc nous vous mettons une amende. Et c'est comme ça que deux banques françaises ont pris 5 milliards d'amende à payer au Trésor américain parce qu'ils avaient continué à faire des affaires avec les Iraniens et qu'un matin, le chef de l'État nord-américain a décidé que ce qu'il avait signé l'année d'avant, ça valait plus rien et que par conséquent, on ne faisait plus d'accord avec les Iraniens. Ça s'est passé comme ça, mes camarades. Un jour, ils ont décidé que l'accord signé avec les Iraniens à propos du nucléaire n'existait plus. Et à partir de là, ils sont mis à punir tous ceux qui voulaient continuer. Voilà ce que sont les relations de vassalité dans laquelle nous sommes. Ils ont inventé un système de loi d'extraterritorialité. C'est-à-dire, si vous respirez le même air que les Américains, vous leur devez quelque chose. Si vous vous servez de leur fric, et ils espèrent bien que vous allez continuer à le faire, vous leur devez quelque chose et ils contrôlent ce que vous achetez, ce que vous vendez, etc. Donc, question finance, c'est perdu. Question de l'aberration finale. Qu'est-ce qu'on a réussi à faire en 2 ans? Renforcer l'économie russe, améliorer la cohésion du bloc russo-chinois, dans le cadre des BRIC. Les BRIC, c'est Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. 5 pays émergents qui ont créé un groupe maintenant plus large, il y en a 6 autres qui sont venus dedans, et qui disent, ben, nous, on a un PIB plus fort que celui du G7. Par conséquent, nous avons des droits sur la planète. Et ce n'est pas parce que nous, on n'aime pas l'empire nord-américain qu'on va les jeter dans les bras des BRIC. Hein. Mais nous sommes dans cette situation où la multipolarité cherche à devenir plus structurée. Les BRIC ici, l'OTAN là, et ainsi de suite. Et puis un jour, l'Afrique qui va arriver là au milieu aussi. Parce que comme ils vont être 1 ou 2 milliards, ça va changer la musique. Ça, c'est ce qu'on va vivre dans les 10-15 prochaines années. Et à quoi il faut se préparer. Mais nous avons poussé à la formation de ce bloc. Et c'est pourquoi ça vaut la peine qu'on s'interroge sur ce que font au juste les États-Unis d'Amérique. Quelle est leur vraie cible? Je vais vous faire une hypothèse paranoïaque. Supposons qu'au fond, la guerre d'Ukraine, pour eux, c'est en quelque sorte une guerre d'usure. Pour user l'adversaire, pas le vaincre, l'user. Et ça dure, et ça dure, et ça dure. En gros, avoir en Ukraine une sorte d'Afghanistan de bis pour les Russes. Et pendant que ça dure, on fournit des armes, du matériel, et petit à petit, on étend son autorité sur l'Europe. Et voilà comment, après que Nord Stream, qui était un gazoduc, ait explosé le lendemain du jour où l'autre voie s'est ouverte pour passer le gaz, les Américains ont, heureusement qu'ils étaient là, commencé à nous vendre le leur de gaz. Recueilli par fractionnement, vous savez, c'est comme le pétrole. Et du jour au lendemain, ils se sont payés un client qui leur a acheté 47% de leur production. C'est pas beau, ça? C'est pas profitable, mais c'est génial. Et ainsi de suite. Tant et si bien qu'on peut dire que la guerre avec la Russie, ce qu'elle épuise surtout, c'est l'Europe. Ce qu'elle met dans le plus grand chaos, ce sont les nations européennes. Pas les Russes, ni les Chinois, ni les Africains du Sud, ni les Indiens, nous, les Européens. Parce que nous sommes conduits à avoir des pratiques commerciales de plus en plus délirantes. Et c'est comme ça que par solidarité, après avoir donné 3 milliards à nos amis ukrainiens, nous allons les faire entrer sans autre forme de procès dans l'Union européenne. Ce qui serait un véritable désastre. Je parle ici en présence du gars qui est chargé de répartir les sous, notre ami Younous Omarjee. Si ils entraient dans l'Union, ils absorberaient 186 milliards d'euros de fonds européens en 7 ans. L'Ukraine serait éligible à 96,5 milliards d'euros de la PAC sur 7 ans. Ce qui obligerait à réduire les subventions pour tous les pays, les autres, dont nous, qui payons déjà 9 milliards de plus que nous recevons, de 20% de baisse des aides par hectare cultivé. C'est pas que je me réjouisse des aides qui vont dans les hectares cultivés dans les conditions qu'il y a aujourd'hui, mais je le donne comme une indication. Et ça vous explique pourquoi, dans toute l'Europe, c'est la pagaille. Et que vous avez des paysans polonais qui empêchent le grain ukrainien de venir. Pourquoi ? Parce qu'il coûte 5 fois moins cher, prix de revient, quand il vient d'Ukraine. Et parce que les exploitations, la taille moyenne d'une exploitation en Ukraine, c'est 1000 hectares. Et chez nous, c'est 69. Comment vous voulez gagner ? Vous ne pouvez pas. Et qu'il aura suffi qu'on abaisse tous les droits de douane pour que l'essentiel des poulets que vous mangez, ils viennent d'Ukraine. Parce qu'ici, on ne sait pas faire le poulet. C'est un animal tellement compliqué à élever que, bon, on est là, bon, on ne sait pas, quoi. Heureusement, les Ukrainiens nous aident. Le miel, c'est pareil, hein, on ne sait pas le faire. Donc nos abeilles, elles sont moins bonnes que les autres, et voilà, il faut bien admettre, hein, c'est la compétition libre et non faussée. Voilà comment, au total, ça tournerait au désastre. Pourquoi ? Parce que c'est une décision qui n'est pas maîtrisée. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes contre l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Mais ce n'est pas parce que c'est l'Ukraine, ce n'est pas parce que c'est l'Ukraine en guerre avec la Russie, c'est parce que nous avons été contre toutes les nouvelles intégrations dans l'Union européenne, aussi longtemps qu'il n'y a pas d'harmonisation sociale et fiscale entre les nations qui composent la nouvelle Union. S'il y a harmonisation, alors des gens peuvent venir. Mais s'il n'y en a pas, ils restent dehors. Parce que nous représentons le monde du travail, c'est-à-dire les gens qui vivent de leur travail ou qui vivent des réseaux. Et ces gens-là, ils ne peuvent pas continuer à accepter une concurrence déloyale. Les paysans, quand ils disent « nous voulons vivre décemment de notre travail », les travailleurs disent la même chose « nous voulons vivre décemment de notre travail ». Et la réponse, ce n'est pas l'économie d'armement, ni non plus de leur dire « eh ben, en tout cas, vous irez au boulot et vous prendrez ce qu'on vous donne, sinon on vous enlève le RSA ». Qu'ils sont en train de leur dire. Et vous allez aller travailler gratuitement. Naturellement que les gens ne le feront pas. Qui touche le RSA aujourd'hui ? Souvent des gens dans une extrême difficulté, donc qui ne sont pas en état d'aller occuper un travail gratuit pendant 15 heures par semaine. Parce qu'ils ont d'autres responsabilités, d'autres charges, et heureusement qu'ils le font. Donc il y a un choix entre plusieurs manières d'agir. Vous ne pouvez pas être pour la guerre et l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, et en même temps dire que vous vous souciez du bien-être de vos compatriotes et de la manière de récolter, de la manière de semer, etc. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de politique écologique possible dans une concurrence déloyale comme celle qui a lieu. Parce qu'à ce moment-là, les travailleurs de la terre viennent et vous disent « c'est pas loyal ». Vous nous dites « monsieur Mélenchon, on met plus de glyphosate, c'est vous qui allez arracher l'herbe ». Ils me l'ont fait, hein, un coup. On dit « c'est vous qui allez arracher l'herbe ». Moi, j'arrache rien du tout, c'est votre boulot, c'est vous qui allez. Bon, non, mais il faut répondre, quoi, on va pas se laisser intimidé. Mais on comprend bien, et ils ont raison, que si on interdit certains pesticides qui économisent de la main-d'œuvre, alors il faut interdire tous les produits qui contiennent ces pesticides, et donc nous avons besoin d'une clause de sauvegarde sanitaire. Si nous décidons que chez nous, nous ne faisons pas tel produit, alors il n'en rentre pas qu'il soit comme ça. Donc il n'en vient pas de Mercosur, donc il n'en vient pas d'Ukraine, donc il n'en vient pas, etc., etc. C'est en tout. La politique de rupture qui est le cœur du programme, l'avenir en commun, c'est en tout. Et ça unit dans un même mouvement la question du RSA en France et la question de qui c'est qui rentre dans l'Union européenne. La question d'une politique de paix et la question de la guerre. Je termine sur la paix. Comment on s'y prend ? Un, on rappelle qu'on est non aligné. On n'est aligné que sur nos principes. Deux, on évalue correctement de quoi est fait le différent. Le différent entre la Russie et l'Ukraine concerne des territoires. C'est un problème de frontières. Nous avons dit qu'il faudrait une conférence des frontières en Europe. À quel moment l'a-t-on dit ? Au moment où la Catalogne disait qu'elle allait devenir indépendante. L'Union européenne a répondu « si vous êtes indépendant, vous fout dehors. Vous ne serez pas dans l'Union ». C'est évidemment une réponse qui n'a pas de sens. Mais c'est ça la réponse. Donc il y a un problème sur les frontières. Il n'y a pas d'indépendance de la Catalogne, donc le problème est reporté. Après, ce sont les Anglais qui sont sortis de l'Union européenne. Patatras, on a donc dû rétablir la frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud. Bon. Et repatatras, c'est le Sinn Féin, indépendantiste et républicain, qui gagne les élections dans la partie unie à la Grande-Bretagne. Alors, so what ? Que fait-on maintenant ? Une conférence des frontières. Vous n'y échapperez pas. Alors on peut continuer, on va attendre encore que tout le monde se tape dessus, que ça aille très mal, et on parlera de ça. Et supposer que les Écossais refassent un référendum sur l'indépendance, qu'est-ce qui se passe? Donc les problèmes de frontières ne sont pas réservés aux barbares de l'Est, d'accord? C'est tout le monde qui en a, quelque part, et qui veut des fois éviter d'en faire, de créer des problèmes de frontières. Par conséquent, nous avons à réfléchir à où on peut faire une conférence des frontières. On a un endroit où le faire. C'est l'Organisation de coopération de la sécurité en Europe. Cette organisation comporte 57 pays, dont la Russie, dont l'Ukraine et dont toutes les nations de l'Union européenne. Le cadre existe. Quand a-t-il été créé ? En 1975, ce sont les accords d'Helsinki. À l'époque, la Russie est soviétique. Et on vient de signer un accord de désarmement graduel, en particulier en interdisant la mise en place des missiles dites de intermédiaire, c'est-à-dire entre 500 et 5000 km. Pardon, c'est très technique, mais si vous installez un missile qui fait 5000 km et que vous l'installez à Marseille, vous savez sur qui il va tomber. Hein ? Ce n'est pas pour aller bombarder le Mali. S'il y en a d'autres qui se sentent visés, on comprend. Hein ? Et donc, comme c'était en tout, il fallait, on retirait des armes, donc il fallait faire avancer de la politique. Donc, et le texte d'Helsinki dit que on doit pouvoir discuter dans le cadre du droit international des frontières et qu'on peut modifier ces frontières. Vous voyez, ça va loin. À la condition que ce soit dans le cadre du droit international et par un consentement et non par la guerre. Exactement ce que je viens de vous dire au début. Donc, quand je vous dis on peut faire une conférence des frontières dans l'ACR, je ne suis pas en train de vous raconter un roman. Je ne suis pas en train de vous raconter la fable du Père Noël. Je vous parle de quelque chose qui existe, dans laquelle sont déjà les gens qui sont aujourd'hui en guerre. Donc le cadre de la paix, il existe. Le droit qui permet de le régler, il existe. Nous, en tout cas, on pense qu'il y a le moyen. Et le moyen, c'est toujours le même. Premièrement, si tu veux la paix, prépare la paix. Pas si tu veux la paix, prépare la guerre. Moi, on m'a appris ça quand j'étais en classe de 6e. C'était un exemple en latin. Si vis pacem, parabellum. On vise comme des fous, mais la belloum, on se la tape à chaque fois. Parce que personne n'a jamais fait la paix en préparant la guerre. Il fait toujours la guerre après. Si tu veux la paix, prépare la paix. Et si tu veux la paix, il faut que tu t'amènes sur la scène et que tu dises, dans ma politique, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Autrement dit, nous ne sommes pas comme certains fauchetons qui disent qu'ils veulent la paix, mais qui en réalité veulent la déroute de la Russie. Enfin, ça dépend des jours. Parce que Macron avait commencé par dire qu'il ne fallait pas humilier la Russie. Et puis il a changé d'avis en cours de route, à la suite de je ne sais quel coup de téléphone. Et pour finir, il tient maintenant des propos belliqueux. Mais c'est quand même ça l'idée. Si vous voulez que ça se fasse, il faut poser comme principe, pour nous les Français, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Tout le monde a essayé d'écraser l'autre. Ça fait 3 ans que ça dure. Personne n'est arrivé à rien. Il y a plus de 2 millions de personnes qui ont été foutues dehors d'Ukraine par la violence des combats. Il y a des milliers de Russes qui tirent la langue, moins que prévu. On peut arrêter, dans l'honneur, tout le monde s'est battu. Et on part du droit international. Les Ukrainiens ont fait une liste de 10 propositions. Alors, tu lis les 10 propositions, ça veut dire marqué en bas, on a gagné. Ben non, ça ne peut pas être ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que leurs 10 propositions s'appliquent. Je ne dis pas ça. Il y a eu 2 réunions sur le thème. Et pour finir, les gens ne veulent plus y venir, ils disent à quoi ça sert, il n'y a pas les Russes, et il n'y a pas les Chinois non plus. Bon. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont parlé. Bon, donc ni vainqueur, ni vaincu. Il y a donc une solution, c'est demander aux gens ce qu'ils en pensent. Ah, évidemment, nous aussi, on devra faire un effort. Pourquoi ? Parce que quand nous sommes entrés pour les libérer en Yougoslavie et que nous avons dépecé ce pays en morceaux, eh bien, au passage, nous avons créé l'entité Kosovo, qu'un certain nombre de pays ont reconnu. Alors, c'est la plus grande base militaire des États-Unis en Méditerranée. On soupçonne que ce soit pour ça qu'ils existent. Et, on a fait, nous, un référendum. Et les gens ont dit, on a follement envie d'être nous-mêmes. Très bien. Alors, les Russes, ils disent, nous, on a fait un référendum en Crimée, les gens ont envie d'être Russes. C'est clair que si on part comme ça, on n'arrive à rien. Mais il est sûr qu'au bout du rouleau, la seule chose à faire, c'est de demander aux gens ce qu'ils veulent être. Et pourquoi il faut qu'on le fasse? Parce que nous-mêmes, on doit faire amende honorable, les Occidentaux. C'est nous qui avons accepté l'effondrement de l'URSS en se frottant les mains, annexion de l'Allemagne de l'Est, embrigadement de tous les autres qui voulaient être avec nous, point final. Et personne n'a rien discuté d'autre. Tant et si bien que des gens qui étaient unis dans le cadre de l'amitié et de la fraternité socialiste gouvernée par le Parti communiste de l'URSS, bah, du jour au lendemain, la vie change. La fraternité et tout ça, bon, bref. Et ça vous donne les Arméniens du Haut-Karabakh. Vous avez vu ce qui s'est passé, peut-être que vous n'avez pas suivi. Mais les Azéris ont décidé qu'ils en avaient jusque-là, ils s'étaient fait mettre une pilée le coup d'avant, ils sont revenus, pouf, tout le monde dehors. 120 000 Arméniens expulsés du Haut-Karabakh. Tout le monde est parti. Maintenant, c'est comme ça qu'on règle les problèmes un peu partout dans le monde. Mais ça, c'est les suites du fait qu'on n'a pas discuté les conditions dans lesquelles se déroulait la suite de la fin de l'Empire soviétique. Et on pourrait prendre, je peux vous faire la liste, mais je ne sais combien de pays où il y a des gens qui disent « ben nous, on veut être russes », les autres disent « ben nous, surtout pas », et ainsi de suite. Donc, la sagesse, ça consiste à partir de la réalité, pas de ce qu'on préférerait dans l'abstraction. Si les gens du Donbass veulent pas être ukrainiens, il n'y a rien qui les obligera à se sentir ukrainiens. Mais s'ils le veulent, alors qu'ils le soient. Mais qu'à ce compte-là, les Ukrainiens donnent des garanties aux russophones du Donbass qui vont pouvoir continuer à parler russe et qui ne vont pas être traités en ennemis de l'intérieur. Je donne cet exemple du Donbass parce que c'est un des aspects... Alors, je ne suis pas en train de dire il faut que le Donbass devienne russe, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que si on veut savoir s'ils doivent être russes ou ukrainiens, une des solutions les plus intelligentes consiste à le demander aux gens concernés. C'est une autre pratique. Et de même, nous, les Français, quand on a un problème, eh bien, c'est le peuple qui doit le régler. Si 3 fois, 4 fois de suite, les Corses votent pour des députés autonomistes, alors, même si on n'aime pas ça, eh bien, on part de la réalité, c'est-à-dire de la volonté du peuple. Et donc, on met en route ce que les gens voudraient avoir. Ah, ça fait mal, hein ? Il y a des fois où ça fait mal. Mais peut-être que vous ne le savez pas, mais nous ne sommes plus un État unitaire. La France issue de la Révolution de 89, c'était la même loi pour tout le monde. La grande nouvelle de la nuit du 4 août, où aucune des stars de la Révolution n'était, c'est que les Bretons se sont entendus avec les gens du Dauphiné pour s'échanger l'abolition des privilèges pour les nobles contre l'abolition du droit local. Et cette nuit-là, normalement la séance aurait dû être levée après l'abolition des privilèges, le président de séance fait durer. Normalement, n'importe lequel d'entre nous qui a passé une fois sa vie dans une assemblée, il sait que quand tu as fait une prise, hop, tu surpends, hop, tout le monde s'en va. On ne revient pas dessus. Là, ça arrive. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient d'accord entre eux. Donc, nous avons fondé l'État unitaire avec une seule loi, la même pour tout le monde. Mais aujourd'hui, la Polynésie française a un gouvernement avec des attributions souveraines. La Calédonie a malheureusement été obligée de voter la dernière fois le troisième référendum alors que ce n'était pas mûr. Mais il va y avoir une proposition constitutionnelle. Et il y a une assemblée du territoire et il y a un gouvernement du territoire. En toute hypothèse, on n'imagine pas qu'il n'y en ait plus demain. Il y en aura toujours. Je vous dis que les Français, il faut que aussi on se donne l'exemple de ce qu'on est capable de faire. Et on ne rendra jamais la France aussi attirante qu'en ne cherchant pas à l'imposer de force. Et si vous en êtes à imposer de force, c'est comme dans toute relation, ça ne tient pas. Ça ne peut pas fonctionner. On en est là. Mais on en est là aussi à échelle internationale. Alors, ça, je viens de vous poser les principes et les solutions. Il y a 3 points de passage. Je les avais évoqués pendant la campagne présidentielle. Premier point de passage, cessez le feu. On arrête de tirer des 2 côtés. Cessez le feu. Deuxième point de passage. On dispose des troupes pour protéger les centrales nucléaires. Il y en a 15. C'est en Ukraine qu'il y a Tchernobyl. On ne parle pas d'un truc qui... Non, on parle de quelque chose de très concret. Ce n'est pas des modèles flambant neufs qu'il y a là-bas. Et ils ont la fâcheuse habitude de commencer à se peler autour. Est-ce que, si nous proposons ça, comme on me l'a dit sur le moment, c'est un rêve. C'est tellement un rêve que le Parlement de l'Ukraine l'a voté. Eh oui. Comme quoi, les insoumis... sous les cheveux et sous le crâne, là, il y a un truc gris qui ne se lave pas et qui s'appelle le cerveau. Et qui aide à réfléchir. Parce que si vous faites ça, regardez bien les amis, vous commencez à discuter. Mais dans une discussion, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Alors bon, interdiction d'y mettre des armes, dans quel rayon ? 1 kilomètre, 2 kilomètres, 3 kilomètres, 4 kilomètres ? Vous commencez à discuter concrètement des conditions dans lesquelles le conflit s'arrête. Et tout le monde est d'accord. dans ces conditions-là. Parce que si on ne le fait pas et qu'il y a un problème, c'est toute la mer Méditerranée qui va se bouffer le problème. Les Algériens, les Tunisiens, les Marocains, les Français, les Italiens, les Maltais, les Chypriotes, et je vous passe les autres, les Géorgiens, les machins, parce que la mer Noire, c'est là où ça arrive d'abord. Donc c'est une cause commune d'intérêt général humain. C'est la méthode qui est décrite dans mon bouquin, à la fin, sur comment on fait une diplomatie non alignée, altermondialiste, à partir des causes communes. Ce n'est pas des grands mots, c'est des choses simples. Voilà comment on s'est repéré. Et puis enfin, eh ben, qui va trancher à la fin? Le peuple. Ça, ça fait peut-être mal à entendre. Alors, si vous ne voulez pas, bah, vous n'avez qu'à signer un accord. Mais il vaudrait mieux signer un accord qui s'appuie sur la volonté du peuple et qui prenne en compte tous ceux qui ont quelque chose à dire, pas juste vos potes. Aussi ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Je pense la Transnistrie, les machins comme ça, bon, y a des endroits compliqués, hein. Mais il faut demander aux gens. Vous ne les ferez pas rester de force, parce que qui va déployer la force? Voilà tout ce que nous voulions, parce que c'est Manu qui m'a demandé de faire ça. Pourquoi? Parce que le moment est dangereux, et que plus il y a de camarades qui comprennent et qui sont au courant de comment on réfléchit au problème, plus il y a de monde qui est capable de répercuter, d'expliquer autour de soi et de faire comprendre. Premier élément. Deuxième élément, nous avons demandé qu'il y ait un débat. C'est quand même le moins, quoi. Si jamais on devait être dans une guerre nucléaire, on aimerait bien pouvoir en discuter avant, hein. Comme ça, c'est pas pour gêner, hein, c'est juste pour savoir. Parce qu'on a quand même un président qui est... c'est quand même quelqu'un, hein. Parce qu'il signe un accord de défense avec un pays en guerre, l'Ukraine, et on n'en parle pas. Alors on a dit, mais là, ça va trop loin, quoi. On voudrait un débat. Il y a un article de la Constitution qui le permet, l'article 50-1. Il y a une déclaration qui est faite par le gouvernement. Et on vote, si le gouvernement veut qu'on vote. Et le vote est indicatif, ou bien il est contraignant, si le gouvernement le décide. D'accord? Ça, ça va arriver. Le groupe parlementaire, il va définir sa ligne. Bon, c'est pas un groupe parlementaire d'inconnus, hein. Ils sont tous rattachés par le programme L'Avenir en Commun, sinon ils sont plus au groupe parlementaire. Puisque le programme, c'est le cœur du système, hein, de notre réacteur. Et les copains doivent prendre la décision de savoir si on vote ou pas. D'abord, quoi? Ça va être la première question. Qu'est-ce qu'on a à voter? Si on nous demande de voter l'accord de défense, et que c'est ou oui ou non, il est bien probable que ce soit non. Parce que je l'ai lu, et je ne suis pas le seul ici à l'avoir lu, il y a des automatismes guerriers là-dedans qui posent problème. Parce que, ou bien vous, par exemple, si lui il vient avec un couteau, ça va chauffer. Ça c'est clair, il faut qu'il vienne avec un couteau, il n'a pas de couteau, ça ne chauffe pas. Si vous faites un accord dans lequel vous dites que des généralités, ça veut dire qu'en fait, vous donnez un pouvoir d'évaluation complet à celui qui décide. Vous pouvez. Des fois, il faut. Il faut que ce soit tellement ouvert que, bon, on fait un peu comme on le sent. Mais là, quand il s'agit d'envoyer des troupes au sol et d'amener du matériel, non. Il vaut mieux qu'on sache précisément dans quel cas on fera quoi. En tout cas, ma contribution ce soir, c'était de rappeler ce qu'on a toujours dit. Dans tout ce que je viens de vous présenter, il n'y a pas une chose qui soit une nouveauté totale. C'est un emboîtement de choses qui sont à différents endroits du programme. Donc le groupe va avoir à délibérer. Si c'est l'accord de défense, c'est une chose. Si c'est une déclaration générale du gouvernement, alors là, moi, je ne recommande vraiment pas d'aller voter comme ça, la confiance à quelqu'un qui vient et qui vous raconte ce qu'il a envie de dire, qui va depuis « je ne veux pas que l'Ukraine perde » à « je voudrais que la Russie perde hein. ». Bon, avec des gens pareils, vous ne savez pas ce qu'ils comptent faire. Je vous l'ai décrit, je crois, avec assez de détails pour que vous compreniez bien qu'il y a des enjeux très sérieux. Et que je vous redis, notre pays est à la limite de la belligérance aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il veut faire la guerre, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je dis qu'il a réuni les conditions pour que quelqu'un qui interprète son comportement puisse le faire à sa sauce. Et d'ailleurs, ça n'a pas tardé. Poutine a fait une déclaration dans laquelle il nous a menacés. Il a dit « Vous me menacez, je vous menace. Nous aussi, dit-il, on est en état de vous frapper. » Et c'est d'autant plus que l'accord qui autrefois, je vous en ai parlé il y a un instant, interdisait les missiles intermédiaires, les Américains l'ont dénoncé. Et comme les Américains l'ont dénoncé, en accusant les Russes de ne pas le tenir, les Russes ont dit, de toute façon, nous aussi on dénonce puisque vous dénoncez. Donc, il n'y a plus d'accord. Et donc, chacun installe ce qu'il veut. Alors, ça se trouve que nous aussi, on a déjà eu un aigle à la tête de l'État, qui s'appelait François Hollande, qui, à peine élu, est allé à une conférence de l'OTAN à Chicago. Il venait d'être élu. Et là, à Chicago, ils ont décidé d'installer une base de missiles antimissiles en Pologne. Alors, quelques esprits mal placés, comme les nôtres, on a dit, écoutez, des bases antimissiles veut dire vous acceptez qu'il y en ait d'autres que des bases de missiles. Ça ne correspond pas à notre doctrine. La doctrine de la dissuasion française, c'est en Europe, personne ne bouge un cheveu. Pas de guerre en Europe. L'Europe n'est pas un champ de guerre. Et les accords d'Helsinki, c'était ça. On se bat où on veut, mais pas ici. Voilà. Alors on dit, mais pourquoi vous avez signé ça, monsieur Hollande? Il dit, oui, mais j'ai exprimé mes réserves. Combien ça fait de mégatonnes, des réserves de François Hollande? C'est pas sérieux. Ils ont donc créé eux-mêmes les conditions de l'escalade qui a commencé, qui ne s'est jamais arrêtée. Qui s'est jamais arrêtée. Et on a continué, et on va faire entrer la Géorgie et l'Ukraine dans l'OTAN, et on installe ceci, on installe cela, et 1000 Français en Roumanie, avec leur matériel, leurs chars, les avions et tout le coulchi. Voilà. Donc, maintenant, vous avez tous les éléments en main. Et ça vous permet, j'espère que j'ai été assez pédagogue pour qu'on en comprenne tous les aspects, de suivre tout ce qui va se dire après. Pour ma part, je pense que les Français devraient baisser le ton. C'est pas la peine d'en rajouter tout le temps. Par contre, les Français devraient être présents là où ils doivent être présents. Nous en avons assez fait pour l'Ukraine. Sauf si on pense que l'Ukraine est en train de perdre. Mais alors, faut le dire. Il ne faut pas raconter tous les jours que c'est l'inverse, que c'est la Russie dont l'économie est effondrée et qui va bientôt perdre. Mais on a besoin de nous et on a des mots d'ordre à faire tenir. Pas touche au Liban. Pas touche à la République démocratique du Congo. Ça, c'est des choses sur lesquelles nous pouvons avoir une pleine maîtrise de ce que nous faisons. Et dès lors que la France apparaît comme étant un élément de la solution au Congo, au Liban, à la frontière nord, disent les Iraniens, sud, disent les Libanais, en aidant l'armée libanaise à pouvoir tenir la frontière elle-même, ce qui permettrait à ce moment-là soit d'intégrer dans l'armée nationale les troupes du Hezbollah, soit de dire au Hezbollah, bah, on n'a plus besoin de vous là, parce que c'est l'armée qui le fait. Mais vous ne pouvez pas donner raison à quelqu'un et vous comporter exactement à l'inverse, puisque vous ne réunissez aucune des conditions qui permet que ce soit l'armée libanaise qui reprenne le contrôle de la frontière libanaise. Toutes ces choses-là changeraient notre positionnement dans la région du Proche-Orient et nous sortiraient du problème pour devenir la solution. Et pareil pour l'Ukraine. Nous n'avons pas à être le problème, nous avons à être la solution. Voilà, mes amis, je crois m'être exprimé assez longuement et je vous prie d'excuser si ça a été trop long. Au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros comme dans un sanglot, on dit adieu au sifflot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Huit jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance. que ce soir viendra la relève, que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseur à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Crâne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font leur foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres les pauvres puritains. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qu'ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, montez sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau. Petite revue de presse. Bon, si vous y tenez. Lorraine, un collectif d'élus lorrains réclame des millions d'euros au Luxembourg. À travers une tribune diffusée cette semaine, une centaine d'élus lorrains demandent une convention de redistribution soit signée avec le Luxembourg. Ils estiment que la richesse produite par les travailleurs frontaliers ne ruisselle pas suffisamment sur la France. Ce sont des élus de gauche du pays haut qui montent au créneau en réponse à un mouvement lancé par les députés de la France insoumise, Martine Étienne, Caroline Fiat et Charlotte Leduc. Le premier employeur de Lorraine, 117 000 Français, migrent en effet vers le Luxembourg quotidiennement pour travailler. Ah oui, si vous prenez l'autoroute pour aller à Luxembourg le matin, vous vous rendez compte qu'il y a du monde sur la route. Oui. Alors, soit 1,8 milliard sur 10 ans, une broutille pour le Luxembourg dont le PIB, produit intérieur brut par habitant, reste le plus élevé au monde. Le PIB, produit intérieur brut par habitant, reste le plus élevé au monde en raison d'une population faible, 640 000 habitants, un PIB de 85 milliards d'euros 2021 généré par, dans une large part par des frontaliers français, mais aussi belges et allemands. La grande déclaration d'amour à l'hôpital. Plus de 1500 personnes ont défilé comme un seul homme dans les rues de Remiremont ce samedi matin pour déclarer leur flamme à leur hôpital, auquel elles restent très attachées. La réouverture des urgences la nuit et le maintien de la maternité ont guidé leurs pas vers un avenir meilleur. Est-ce qu'il n'y a pas une petite pointe d'humour ? Élus, habitants, organisations syndicales, soignants ont bien compris que l'heure était grave. Le citoyen a plus de pouvoir qu'il ne croit. Je saute quelques lignes de temps en temps. Force ainsi la voix Jean Pierrel, le président de l'ADEMAT H, depuis le perron de la mairie, là où toutes les vérités ont été bonnes à dire et répéter. Il faut rouvrir les urgences la nuit. C'est le 69e jour de fermeture aujourd'hui. Les médecins quittent le service public. Encore un peu plus loin, je saute quelques lignes. Ensemble, il faut tordre le cou à la mauvaise réputation faite à cet hôpital. Harangue toujours Jean Pierrel. Eux aussi peuvent changer cette crise sanitaire qui fragilise la France entière. Alors, dans le cortège, les soignants, encore à l'activité ou en retraite, ont été applaudis à plusieurs reprises. Le docteur Bocot, gynécologue retraité, milite pour l'égalité d'accès aux soins, en particulier en milieu rural, où l'espérance de vie baisse. Voilà. Ensuite, dépassement des honoraires médicaux, la situation par département. Est-ce que ça a un rapport avec le sujet précédent ? Peut-être bien. On ne nous dit pas tout. Le trait d'union, le signe égal ne sont pas utilisés forcément. Lorraine, dépassement des honoraires médicaux, la situation par département. Fin février, l'UFC Que Choisir a publié les résultats d'une enquête sur les dépassements d'honoraires dans 8 spécialités médicales. Selon les départements, l'Association de défense des consommateurs a relevé de fortes disparités. En Lorraine, il était ainsi plus coûteux de consulter un cardiologue dans les Vosges qu'en Moselle ou Meurthe-et-Moselle. Tandis que se poursuivent les négociations sur la future convention tarifaire entre les médecins libéraux et l'assurance maladie, l'UFC Que Choisir a épluché des données de la sécurité sociale et s'est penché sur les tarifs pratiqués en France par 8 spécialités libérales. Anesthésie, cardiologie, dermatologie, gastro-entérologie, gynécologie, ophtalmologie, pédiatrie et psychiatrie. Selon l'étude de l'UFC Que Choisir, les honoraires pratiqués pour une consultation sont jusqu'à 2 fois plus coûteux d'un département à l'autre. Vous croyez ça où ? Sachant que le renoncement aux soins pour raisons financières touche 38% des personnes s'estimant en mauvaise santé. 38%. Il est plus que jamais indispensable de mettre un coup d'arrêt à l'exposition des dépassements d'honoraires, conclut l'UFC Que Choisir. Voilà. On vit dans un beau pays. Oh là là, où il n'y a que 6 millions de chômeurs en 2024. Des 6 millions de chômeurs, il y avait déjà ça en 1924, en Allemagne. Eh oui, ce qui a été à l'origine de l'arrivée au pouvoir des nazis et du déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale qui a fait environ 68 millions de morts. Oui, pour un peu de chômage, 60 millions de morts. 68 millions. Hein? Oh, elle est belle l'humanité. L'intelligence naturelle est largement supérieure à l'intelligence artificielle. Oh oui, le mot artificiel, c'est grave. Bon, maintenant, ça dépend à qui l'utilise, hein. Qui programme et qui utilise. Voilà. Alors, Raphaël Glucksmann veut bousculer le duel Macron-extrême droite. Ouais, les jumeaux terribles du néolibéralisme et du national-populisme. Ah, ben c'est bien ça, hein. Ah oui, c'est un homme de gauche, ça, sûrement, hein. Ah oui, oui. Guerre en Ukraine, la crise sociale, la catastrophe écologique, le porte-parole du PS. Alors il y en a un qui a souligné porte-parole du PS avec des petits traits, hein, parce que c'est peut-être pas sûr qu'il soit porte-parole du PS. Est-ce qu'il est membre du PS, hein? Et puis, est-ce que ça voudrait dire qu'il est socialiste? Est-ce qu'on peut être membre du Parti Socialiste sans être socialiste, hein? Et puis, si en plus on n'est pas membre du Parti Socialiste, ben, il y a encore moins de chances qu'on soit socialiste, hein? Encore moins. Dans ce moment de clair-obscur où le monde se défait, les jumeaux terribles du néolibéralisme et du national-populisme tentent de se répartir les rôles, conscients tous deux qu'ils sont interdépendants, a-t-il taclé. Ah, si la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon tire à boulet rouge sur Raphaël Glucksmann. Glucksmann, il dit l'autre. Bon, je sais pas, moi, j'ai pas fait trop d'anglais, hein. C'est comme ça qu'on dit sur les radios libres locales, où on chante beaucoup du rock, hein, rock metal, Unzo Weiter. Lui, les a invisibilisés dans son discours ce dimanche. L'Europe peut être un véhicule de progrès social. L'Europe peut être un véhicule de progrès social. Alors, l'utilisation du mot populiste, moi, ça me dérange beaucoup. Alors, j'ai marqué populiste, entre guillemets, égal, insulte pour le peuple. Insulte pour le peuple. Donc, les journalistes qui utilisent ce mot populiste pour parler du peuple, vous pouvez baisser leur note. Hein. Puis quand leur note sera assez baissée, ben, ils se retrouveront au chômage, avec une indemnité de chômage la plus basse possible. Ah oui, oui, oui. Ah ben, chacun son tour, hein. Eh oui, ceux qui fabriquent le chômage ou qui aident à fabriquer le chômage en désinformant les citoyens, c'est-à-dire les électeurs, eh bien, ils sont responsables de ce qui arrive après, et évidemment, il faut qu'ils payent. Il faut qu'ils payent. Le Bollon, alors à Girancourt, le Bollon achète un terrain dans l'optique d'y installer des panneaux photovoltaïques. Ouais, de plus en plus, partout où on pense que installer des panneaux photovoltaïques, c'est rapide, c'est pas compliqué, et c'est pas très cher, c'est pas polluant, c'est très efficace. Société Macron annonce une aide à mourir, entre guillemets, aide à mourir très encadrée. Le président de la République a annoncé dimanche dans un entretien au quotidien La Croix et Libération, un projet de loi sur la fin de vie pour le mois de mai prochain. Voilà. Il a tranché après de longs mois de réflexion à plusieurs reprises, plusieurs reports, pourquoi j'interprète ça comme ça, plusieurs reports, c'est ça qui est écrit, reports. Emmanuel Macron a dévoilé dimanche son modèle français de la fin de vie. Il s'agira d'une aide à mourir qui doit permettre à certains patients, selon des conditions strictes, de recevoir une substance létale. Voilà. Ensuite, l'Europe entre néo-fascistes et néo-nazis. L'extrême droite est attendue en forte hausse ce dimanche aux législatives au Portugal. Pays qui se pensait immunisé, ça c'est le dimanche 10 mars hein, 2024, qui se pensait immunisé par la longue dictature de Salazar. Ce pays qui se pensait immunisé par la longue dictature de Salazar. Mais en France, on n'a jamais connu la dictature. 1940-1945, Pétain c'était... Ah bon. Avec son Front National à 10% et 15% davantage, la France a longtemps fait figure d'exception en Europe. Impossible chez nous après Hitler, affirmaient les Allemands, et mezzo voce les Autrichiens. Pas chez nous, après Mussolini, reprenaient les Italiens, Même certitude affichée dans l'Espagne d'après Franco et le Portugal d'après Salazar. Ouais, Dieu, la patrie et le foot. Voilà. Eh oui, on s'occupe des citoyens et on s'occupe de l'opinion des citoyens. Donc, du vote des citoyens, donc de la vie qu'ils auront pendant des années après leur vote. Après avoir lu le journal, après avoir regardé la télé, après avoir été informé, désinformé, influencé, voilà. Les citoyens, ils votent mal. Il faudrait qu'il y ait un examen, une sorte de permis, comme le permis de conduire, vous voyez, pour avoir le droit de conduire un véhicule à moteur, il faut passer un permis, il faut passer un examen, hein. Ben oui, c'est normal. Ben, c'est prudence, hein. Par contre, pour avoir une carte d'électeur, il n'y a pas d'examen à passer. Non, non, pas besoin. Industrie, Bayer, travaille sur un substitut au glyphosate. Bayer, la société allemande de chimie, vous savez, qui était très efficace aux environs de la guerre de 14, hein, les gaz de combat utilisés pour la première fois dans le monde, c'était Bayer qui les a fabriqués, hein, du chlore. Et puis pendant la guerre de 40, alors évidemment, la chimie, elle a joué un grand rôle dans les camps de concentration, hein. Eh oui, Bayer travaille à l'élaboration de substituts au glyphosate, annoncé samedi le patron du groupe chimique allemand Bill Anderson. Bill Anderson, c'est un nom allemand, ça, Bill, B-I-2-L, plus loin, Anderson, A-N-D-E-R-S-O-N, pas S-E-N, S-O-N. Bon, Bayer se débat avec quantité de procès aux États-Unis liés aux effets cancérigènes présumés du glyphosate. Bah, présumé, hein, bon, du glyphosate, produit par Monsanto, groupe américain que la firme allemande a racheté en 2018. Ah, ouais, ça s'appelle Monsanto, mais c'est Bayer, hein, ouais, Unzerweiter. Gérard Filoche, de temps en temps, Gérard Filoche, il pousse un coup de gueule, et il se fâche. Ben oui, il y a de quoi se fâcher dans ce beau monde. Pourquoi 75 000 bénévoles, entre guillemets bénévoles, au JO 2024? Trois points d'interrogation. Le bénévolat, ça n'existe pas en droit du travail. Or, c'est du travail. C'est illégal. Les JO, c'est 8,5 milliards. Le chef des JO se paye 22 000 euros par mois. Vous devez payer un SMIC à ces 75 000 jeunes, un SMIC minimum, salaire minimum interprofessionnel de croissance, garantie on disait. Alain Binard, je suis un dangereux photographe de 77 ans, retraité et handicapé qui s'est fait refouler à l'entrée du Zénith de Pau, hier soir 9 mars, où je souhaitais voir un spectacle de danse irlandaise. Prétexte. J'avais à mon cou mon réflexe monoobjectif, appelé vulgairement appareil photo. Ces appareils sont interdits par le règlement. Il est interdit de prendre des photos. Ah, j'éclate de rire. Alors, interdisez l'entrée de tous les smartphones. Certains sont tellement performants qu'ils font de meilleures photos que mon vieux Nikon. Ah non, c'est pas pareil. Vous, c'est un appareil professionnel. Oyez, braves gens, en achetant un Nikon, vous devenez professionnel. À partir de là, on entre dans l'absurde. Mon épouse a un smartphone. Elle a le droit d'entrer? Point d'interrogation. Eh bien, vous voyez, vous allez demander à votre épouse de faire des photos à votre place. Trois points d'exclamation. J'hallucine, ce type qui me barre la route est en train de me dire ouvertement que l'interdiction de photographier, c'est du pipeau, que personne ne la respecte, mais que les appareils photo réflexes, objectifs, sont des vilains pas beaux et que tout le monde doit utiliser le sacro-saint smartphone. Je n'ai donc pas vu le spectacle. J'ai passé 2 heures dans la voiture à attendre mon fils de dix ans et mon épouse que je ne voulais pas priver du spectacle. C'est fini. Je refuse de me plier aux caprices de petit chefaillon. Chefaillon. Oh, c'est méchant, ça, dire chefaillon. Oh, sans cervelle. Oh, oh, oh. Qui invente ou interprète des règles abscons, démagogiques ou relevant comme là de la politique de l'autruche. C'est par ces petites compromissions accumulées que l'on amène petit à petit la population vers la prise du pouvoir du fascisme. Fascisme. Ouais. Jean-Luc Mélenchon. La macroniste tête de liste aux européennes, accuse le PS Glucksmann d'être sous mon influence, entre guillemets, sous mon influence. Pour protéger une telle accusation, pour protéger d'une telle accusation, je vends des certificats d'innocence signés de ma main. Alors 50 euros. J'aurai honte d'avoir la moindre influence sur le discours de ce personnage. Ah. Ou alors 100 euros. Je désapprouve l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne que veut ce monsieur. Ou encore, si vous avez plus les moyens, et bien envie, 200 euros. Ce diviseur n'est là que pour empêcher l'Union populaire. Ou encore, mais bon, 300 euros, un tel va-t-en en guerre mérite une cuisante défaite. Les sommes collectées seront versées à la campagne de la liste de Manon Aubry, soutenue par la France Insoumise. Itinéraire du gros Joe. Alors ça, c'est un vieux journal, hein. J'allais 2015 par là. Itinéraire du gros Joe, auxiliaire de la Gestapo et barbouze. On ne le surnommait pas le Mexicain, mais le gros Joe. N'empêche, George Bush Sèche, natif de Lunéville, fut en son temps une épée, un cador. Et même un peu plus que cela, retour sur le parcours d'un Lorrain au XXe siècle, des bataillons d'Afrique, au SAC, Service d'Action Civique, en passant, Service d'Action Civique, c'était un groupuscule manipulateur et agent de sabotage de force, hein, voilà, de la droite au pouvoir à l'époque. En passant par la carlingue, le gang des tractions et les piges pour le SDEC, Service de Documentation Extérieure et de Contre-espionnage. Ben oui, il était passé par la mafia et la Gestapo, alors il pouvait rendre des services au SDEC. Hein. Ah, bon, dans ces milieux-là, on recrute n'importe qui pourvu qu'il soit efficace. Alors voilà, d'occupation de la carlingue, la sinistre Gestapo française de la rue Lauriston, dirigée par Lafont et Bonny. Eh oui, une Gestapo française qui n'occupait que des Français, commandée par des Français, et qui faisait partie à 100% de la Gestapo, Geheimnisse Staatspolizei, police secrète de sécurité d'État, hein, disaient les Allemands, qui occupait Paris et la France, et qui occupait les Français. Total mépris de la vie humaine, ouais. 400 personnels, des motards pour donner la chasse si nécessaire, 2 automitrailleuses, il est abattu, hein. Bon. Et voilà la vie de l'individu, il n'y a de chance que pour la canaille, de voyous à barbouze. Voilà, alors, les suites de l'affaire Ben Barka, George Bush Sèche arrive en même temps qu'une autorité nationale avec l'affaire Mehdi Ben Barka, car c'est dans la villa d'un gros Joe et propriétaire, dont gros Joe est propriétaire à Fontenay-le-Vicomte, dans l'Essonne, que la trace du leader de l'opposition marocaine se perd à jamais après son enlèvement à Paris le 29 octobre 1965. Le secret autour de l'opération est vite éventré et gros Joe est contraint de quitter la France pour le Maroc, justement, dans les 48 heures. Il ne reviendra jamais en France. Voilà. Vous voyez, il y a des aventuriers qui peuvent avoir une vie bien remplie en France, hein. Oh oui. On laisse faire, on favorise le Vosges Matin du mercredi 11-2-2015. DSK. DSK. Je n'organisais rien. Alors, bon, je ne vais pas lire l'article qui est un peu trop long. DSK, qui c'est déjà? Qui c'était? Qui c'est? DSK. Eh bien, c'est Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn. Et c'était... Ah oui, c'est un socialiste. Ah, un socialiste de gauche. Oui! Ah oui! Énergie. Le PR de Flamanville maudit. Depuis le début de la construction de l'EPR de Flamanville, dans la Manche, les déboires se succèdent, retard, anomalie, surcoût, au point qu'on se demande s'il sera un jour mis en service. Ça, c'est donc un article de 2015. 2015. On se demandait s'il sera un jour mis en service. On est en 2024 et ce trésor architectural scientifique n'est toujours pas en service. On en a vendu à l'étranger, on est en train de payer des redevances pour les retards dans les travaux qui n'ont pas fini de nous ruiner. 3 juin 2015, 327 000 pauvres en Lorraine. 327 000 pauvres en Lorraine, le 3 juin 2015, vous rendez compte? 14,6% de la population vit avec moins de 989 euros par mois. La pauvreté se concentre dans les centres des grandes villes et dans les petites communes isolées. Voilà, hein? Voilà. 327 000 pauvres en France. Et puis, ça, depuis cette date, ça, évidemment, ça a augmenté. Hein. Ah ben, naturellement, pourquoi il est venu? Pourquoi on a mis Macron au pouvoir? Et Sarkozy, etc. Eh, pour appauvrir les pauvres de manière à enrichir les riches. Emploi record à nouveau battu au mois d'avril, le 2 juin 2015. Chômage, mais où sont donc les fruits de la croissance? Comme le résument les statistiques gouvernementales de la DARE, oui, c'est ça. Il y a un pli du journal, on peut pas bien lire. La France comptait au 30 avril dernier 5 645 000 chômeurs, dont 3 535 000 étaient totalement sans emploi et 1 808 600 exerçaient une activité réduite. Voilà. Le beau pays qu'est la France. Ah, on peut être fiers de nous, hein, nous autres les Français. Eh oui, 1789, on avait quasiment inventé la démocratie. Eh bien, en 2000 et quelque chose, on réinvente la dictature du capitalisme le plus intégral, le plus fascisant. Le TIO, là où il ne faisait pas bon voter ce dimanche, avec une abstention, alors ça c'est le 22 juin 2021, hein. Là où il ne faisait pas bon voter ce dimanche, avec une abstention à devinez, 76,07%. Abstention au TIO de 76,07%. Alors, est-ce que le résultat d'une élection qui comporte 76% d'abstentionnistes et peut être considéré comme valable, légalement valable, hein? On ne sait pas. Alors, vote présidentiel 2022 par profession, policier et militaire. Le Pen, 39%. Zemmour, 25%. Macron, 14%. Pécresse, 7%. Mélenchon, 4%. Dupont-Aignan, 4%. Lassalle, 4%. Roussel, 1%. Jadot, 1%. Poutou, 1%. Hidalgo, 0%. Artaud, 0%. Voilà. Alors, ben, ce sera tout pour aujourd'hui, hein, parce que, hein, une presse comme ça, voilà. Bonne soirée. Dites-moi pourquoi toutes ces guerres, la haine, le sang et la misère. On est tous nés sur cette terre pour vivre heureux comme des frères. Dis-moi papa, pourquoi c'est mort? Assassine. Petits et grands, on les supprime. À peine si on s'en aperçoit. Au premier temps de la grève, il y a quelques trains qui ne roulent pas. Et les médias qui battent la mesure, répétant ce que pense le patronat. Les médias qui battent la mesure disent que la grève ça ne prend pas. Une grève des trains roulants qui nous tous nous défend, qui nous tous nous défend pour que la SNCF soit pas vache à bénef, parce que ce serait charmant. Une grève des trains roulants pour le service public. Pour le service public, c'est aussi sympathique qu'une grève des étudiants comme il y a 50 ans. Une grève des étudiants, c'est très enthousiasmant et très intéressant. Toute une génération qui se lève pour dire non au classement par l'argent. Une grève des étudiants, c'est tellement entraînant. Une grève ça s'entend aussi à Carrefour pour dire non toujours plan socio-balou. Une grève chez Air France, en lutte pour leur salaire. Ça fait une belle alliance avec les fonctionnaires qui luttent sans aisance contre l'austérité. Une grève des éboueurs pour un service public. De gestion des déchets, c'est sûr, ce serait meilleur et ça tomberait à pic comme une grève des postiers. Une grève des postiers, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée, pareil organisée, comme si c'était le privé et puis privatisé. Une grève des magistrats, une grève des avocats, pour se mobiliser, de même que les greffiers contre l'austérité et de trop longs délais. Une grève de la santé, c'est une nécessité. Pour se payer le burn-out, les budgets au compte-goutte, patients et retraités ont besoin d'être soignés. Une grève dans les EHPAD, moins remuant qu'une ZAD, moins remuant qu'une ZAD, mais il serait grand temps, ce système est malade de son management. Une grève tous en même temps, c'est bougrement tentant. Salaire plus 10%, semaine de 32 heures pour un avenir meilleur comme ce serait chèrement. Face au gouvernement qui ment et hontément. Contre l'austérité du président des riches, une grève tous en même temps, nous tous on vous dit chiche. Au dernier temps, on veut la grève. Tous ensemble, enfin, on se bat. Au dernier temps, on veut la grève. En même temps, tous en grève, on est là. Mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Mi seppellirai lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi seppellirai lassù in montagna, sotto l'ombra d'un bel fior. E la gente che passerà, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E la gente che passerà dirà, oh che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Bella ciao, ciao, ciao, ciao.